Salut à tous, c'est Sei, bienvenue dans la deuxième émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et pour commencer l'émission, on va commencer par faire un petit tour de table virtuelle pour présenter un petit peu tout le monde qui m'a accompagné. Et à commencer par le patron de VR for Player, celui qui a les clés de la baraque, qui dort pas et qui est là justement pour faire en sorte que pour faire en sorte que tout se passe bien sur le site, c'est Laurent. Salut Laurent. Salut tout le monde. Qui dort pas, t'es pas loin de. Oui, c'est vrai qu'en ce moment je dors pas beaucoup. Tu t'es reposé un petit peu quand même, non? Bah non, je fais des petites pauses des fois, je regarde des petits trucs à la télé pendant 20 minutes, puis après je me dis mince, faut faire un article, et hop, on est reparti. Ok. Ensuite, on a Cilion. Salut Cilion. Salut Sei, merci de me réinviter. Je t'en prie. Et bonjour à tous les auditeurs, on va essayer d'être intéressant pour ce deuxième numéro, ce deuxième VR. Ensuite, on a Funky Spanky. Salut Spanks. Salut, j'apprécie que tu me fasses toujours passer en dernier. Comme d'hab. Salut à tous. La dernière roue du carrosse. Comme d'hab. Bah non, mais on t'aime bien, c'est salut bon. Salut à tout le monde. Mais disons que tu joues au PC, quoi, donc voilà, t'es pas comme les autres, quoi. C'est pour ça. Non, je joue à Firewall, moi, monsieur. Et alors, Subnautica, ça se passe bien, Spanks? Bah, Subnautica, je sache que j'ai maintenant 3 ou 4 bases sous-marines, des ressources à gogo, j'ai construit un sous-marin géant et ça déchire. Voilà. Super, la créature de désintox, c'est quand? Toutes les choses qu'on peut faire en VR. C'est foutu ça. Oh putain. Bah, déjà, je voulais commencer par faire un petit remerciement en fait aux gens qui nous ont fait des retours sur la première émission. C'était vraiment super sympa de vous lire. Apparemment l'émission a bien plu, le concept a plu et ça nous fait sincèrement plaisir en fait d'être suivi. Le net, c'est pas forcément un milieu très friendly, donc quand on a des bons retours comme ça, ça nous fait plaisir, donc on vous dit merci et changez rien, et j'espère que cette deuxième émission va vous plaire et que vous aurez plaisir à nous suivre pour les prochaines. Alors on va commencer donc par fêter évidemment les 2 ans du PSVR qui est sorti donc le 13 octobre 2016 et on fait une petite rétrospective en fait sur tout ce qui s'est passé ces 2 premières années, les hauts, les bas, le moyen, les espoirs, les grosses désillusions aussi qu'on a eues, le traitement un petit peu médiatique qui est autour de ça et voilà, donc du coup l'histoire commence, si je dis pas de bêtises, arrêtez-moi si je me trompe, en mars 2014 à l'annonce du projet Morpheus. Sur le dieu grec ? Sur le dieu grec, parce qu'évidemment, c'est un podcast sur la mythologie grecque, évidemment. Voilà. Ah, moi, je suis désolé, Morpheus, pour moi, c'est dans Matrix. C'est dans Matrix. Ouais, c'est Matrix. Ouais. Ah. C'est Laurence Fishburne. C'est Laurence Fishburne. Qui nous écoute, d'ailleurs. Hein. On lui passe un petit bien bout. Entendu. Avec la PS4 Pro Neo. Voilà. C'est vrai. C'était le nom de code aussi. Donc Morpheus, qui était un dieu grec de la transformation, qui prenait 1000 visages, et... Non, je rigole. Et donc le PSVR, est-ce qu'il a changé? C'est ça aussi que tu veux voir? Bah, surtout, non, en 2014. Surtout, comment est-ce que vous aviez vécu un petit peu cette annonce-là? Est-ce que vous étiez déjà complètement dans la hype, ou est-ce que c'est une information qui vous est passée un petit peu au-dessus de la tête et que vous avez suivi de loin? Comment est-ce que vous avez vécu justement cette première proposition, on va dire, de Sony? Personnellement, moi au début, je suis très branché high-tech en général. Mmh. Donc dès qu'il y a des nouvelles techno, des nouveaux trucs, je l'ai vu arriver. Mais au début, j'ai vu plutôt ça comme des Google Glass ou une connerie dans ce genre-là. Mmh. Donc je m'en suis pas plus inquiété que ça. Je m'en suis pas plus intéressé que ça plutôt. Mmh. Et puis après, bon, petit à petit, j'ai commencé à regarder le truc. J'ai dit putain, ça doit pas être mal. Mais en fait, je me suis vraiment planché sur le truc quand j'ai su qu'il allait avoir les précommandes du casque. Mmh. Où là j'ai commencé à lire des trucs, et de toute façon le jour J des précommandes, je crois que c'était en mars aussi. Mmh. Il me semble que c'était en mars 2016. Mmh. Le jour J je l'ai précommandé. D'accord, au taquet quoi. Et t'avais déjà essayé les casques avant ou pas? Jamais. Non, t'avais même pas essayé le Vive ou le... Si, j'avais fait un tour de Samsung Gear dans une Fnac, mais j'avais trouvé ça complètement minable. Et puis de toute façon, il était déjà précommandé, je crois, quand j'ai essayé le. Et, non, j'ai dit bon, allez hop, on y va quoi. J'aimais bien le principe, j'aimais bien le truc. J'ai dit on va voir ce que ça donne. D'accord. Et toi, Sylvion, du coup ? Moi, j'étais complètement à côté de la plaque en fait quand ça a été annoncé. Je me rappelle en 2014, Morpheus, ça m'inspirait pas du tout. Et j'étais, je sais pas, je devais être sur des gros jeux à ce moment-là, je me rappelle plus trop. En tout cas, l'annonce m'avait laissé complètement chaud et froid. C'était assez mystérieux aussi. Je trouve que c'était peut-être pas très clair. J'en ai pas. C'était pas ultra clair, ouais, effectivement. Non, ouais. C'était pas super bien médiatisé. C'était pas. Fallait vraiment chercher quand même pour avoir des infos dessus. Et puis, déjà aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui n'a pas de casque VR aujourd'hui, qui va regarder une vidéo sur YouTube d'un jeu VR, il a déjà du mal à s'imaginer ce que c'est. Alors à l'époque, quand ils l'ont annoncé et tout. Juste sur la base d'un concept, tu peux pas vraiment t'imaginer ce que c'est, quoi. On voyait un produit, mais avant de se dire ça va être ça, moi au début j'étais convaincu qu'il n'y avait pas de 3D là-dedans. Je pensais que c'était une image à 360. En bulle, une sorte de bulle, quoi. Une espèce d'image sphérique dans laquelle on pouvait tourner la tête pour voir l'image sous tous ses angles, mais j'avais pas percuté que ça pouvait être en 3D en plus. Et ça, c'était le truc qui m'a scié. J'ai dit putain, en plus de l'image à 360, en plus il y a le son et la 3D. Alors là, j'ai dit c'est bon, bingo. Et t'as pas été déçu du coup? Ah, pas du tout. Non, au contraire, ça m'a mis une sacrée claque et c'est à partir de là où j'ai commencé à délaisser les jeux 2D. Et toi, Spanx, du coup? On parle de jeux 2D, donc on va virer sur Spanx. Non, c'est surtout que moi, alors, quand ils l'ont annoncé, j'en avais, excusez-moi l'expression, rien à foutre. Moi, c'était quelque chose de... qui me passait complètement à côté, parce que bon, après j'avais essayé une seule fois la VR quand j'étais petit sur Exen, et c'était dégueulasse, enfin à l'époque, c'était vraiment pas fiable. Je sais même plus si c'était en 3D, je pense que c'était plat, juste en FPS, et comme Laurent, en fait je m'y attendais pas, mais une fois qu'on a vu que c'est en 3D, quand t'as ramené ton casque chez moi, c'est vrai. Cette soirée-là, qui m'a fait essayer Rush of Blood chez moi, j'ai vu que ça marchait trop bien c'était terminé quoi. Et tu peux raconter la suite, hein. J'ai pété un câble, il me fallait un casque. J'ai créé un monstre. C'était la pénurie à l'époque et j'ai galéré à l'avoir. Il y a eu une période. J'ai mis 2 semaines à l'avoir, mais je l'ai eu. Je tiens à le préciser, un 24 décembre. La FNAC me l'a dit en 24 heures, donc merci. La magie de Noël. Merci la FNAC. J'ai passé de Noël sur Rush of Blood. Et oui. Avec les invités sur la table à côté en train de manger tout seul. Non, mais pendant le réveillon, je pensais qu'il y a un truc, c'était jouer à Rush of Blood. Donc voilà pour vous dire. Oulala, 22h, dis donc, il est tard, hein, faut que j'y aille. Ah, il est tard, il faut que j'y aille. non, vraiment. Puis Rush of Blood, hein, c'est le jeu qu'il est génial. Ce jeu pour découvrir la VR, il est efficace. Moi qui adore les trucs, les ambiances d'horreur. Ouais, c'est vrai qu'il était bien. Ouais. Quand tu passes le passage avec les cochons qui se mettent à... Ah, la génial. Première fois, je t'ai fait un bond là. Ah ouais, justement, puis, du coup... la petite transition justement. Donc là, c'était Projet Morpheus. Là, donc le 13 octobre 2016, le casque sort. Et donc Rush of Blood justement fait partie de ces jeux de lancement, il me semble. C'est du line-up, ouais. Il fait partie du line-up. Et donc du coup tout le monde y a joué, tout le monde a découvert un petit peu le casque via ce jeu-là, parce que c'était un petit peu le must-have du PSVR à sa sortie. À sa sortie, oui, c'était Batman, c'était Rush of Blood, c'était qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre, Riggs qui a dû sortir quasiment Riggs aussi. C'était les premiers jeux en fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans les premiers jeux? C'était des titres comme ça. Ce qui était intéressant à préciser avant de continuer, c'est que quand ce fameux 13 octobre 2016, quand on a reçu la boîte, je sais pas si vous l'avez conservée, mais il y avait pas mal de jolis petits, il y avait GT Sport dessus, il y avait pas mal. Voilà, il y avait toutes les promesses avec le PSVR. Il y avait pas que 7 jeux, je crois, ou 10 jeux. Je l'ai encore, la boîte. Il y a des fois, la sors pour regarder ce qu'il y avait dessus, et il y avait pas Ace Combat encore, hein, mais il y avait GT Sport, ça je m'en rappelle très bien. Ils ont pas osé. Non. Ils ont bien fait. mais voilà, quoi. GT Sport, je dis putain, mais s'ils nous font un GT Sport là-dessus, mais ça va être un truc de malade. C'était donc, une belle promesse en tout cas. C'était plein de promesses sur la boîte, oui. Il y avait Tekken, il me semble. Je suis pas sûr. Je sais pas si elle était l'image de Tekken 7. Je sais pas ça. Je sais pas. Enfin. Tekken, non, mais Resident Evil, peut-être. Ah, ouais, Resident, J'ai commencé avec celui-là, moi. J'ai acheté le casque et j'ai pris le Resident en plus, Rush of Blood, les deux moves, la cam qu'il fallait pas oublier. Les couches. C'était quand même compliqué. Le plus compliqué à mettre. Et ouais, j'ai commencé par Resident. C'était la grosse claque, janvier 2017, je crois. D'accord. C'était vraiment le tout début. Au mois de janvier, et au mois de janvier, Resident Evil était tout seul. C'est le seul jeu qui est sorti de tout le mois. Ouais. C'est là où on a commencé d'ailleurs, après la hype du lancement, et quand même un line-up qui était assez solide, parce qu'il y a quand même vraiment des bons jeux. Valkyrie aussi qui était vraiment efficace, justement, qui mettait vraiment une bonne grosse claque. Moi, quand j'ai acheté le PSVR, justement, donc c'était avec Rush of Blood, et puis il y avait aussi donc le CD de démo qui était avec le casque. Et Valkyrie, moi, c'est celui qui m'a vraiment mis sur le cul complètement, quoi. Et celui que je faisais essayer après à tout le monde pour vraiment qu'on se rende compte de l'immersion que tu avais, la sensation de mouvement et de vertige aussi que tu avais avec ces casques. Parce qu'on a tous donc à peu près débuté la VR sur PSVR. C'est vrai que ça aussi, c'était une sensation, je pense, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, une sensation un peu étrange. Ce qu'on oublie, c'est que Eve, c'était, il a des qualités qui sont claires, c'est CP Games. C'est surtout le premier jeu massivement multijoueur sur PSVR. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est Rix. Rix. Ouais. C'était Rix. Mais crossplay aussi. Hein. Il était pas le deux en fin de compte. Suite. Mais ouais, c'était une grosse sortie. En fait, hein. On sait ce qui s'est passé après, mais c'était un gros jeu. En fait. Et puis, c'était vendu cher aussi. Il y avait pas que ça quand la première fois quand j'ai déballé le casque. Donc bon, je me suis mis tout seul dans mon coin. Je me suis fait un petit. Je crois que j'ai démarré moi avec VR World avec Ocean Descent. Déjà, j'ai vu le requin. Au bout de 10 minutes, j'ai posé le casque. J'ai dit nom de Dieu. Et donc après, dans la famille, j'ai dit à mes enfants, venez essayer Allumette, venez essayer. Il y avait un Invasion aussi avec le petit lapin blanc là. Venez voir le requin, les enfants. Non, le requin, ils l'ont pas vu. Ils ont vu le petit lapin. Et alors là, ils étaient tous comme des dingues. Quand le petit lapin s'est approché de ma fille, elle a dit, mais qu'est-ce qu'il me veut, elle reculait. J'ai dit, c'est là que j'ai dit, c'est quoi, c'est vraiment une révolution ce techno. Et c'est vrai que on a essayé beaucoup de petits trucs en fait, Allumette aussi, ceux qui aimaient pas trop les trucs d'horreur et tout ça, je leur montrais Allumette, ils étaient scotchés. Mes parents, mes grands-parents même, ils venaient, ils essayaient ça, ils disaient mais c'est terrible ce truc. Ouais. Et il y a pas une personne qui est partie en disant qu'est-ce que c'est que cette daube, quoi. Ils ont tous dit c'est impressionnant, quoi. Un sujet pour les repas de famille, c'était même un sujet à table. Quand je leur faisais faire une petite séance avant l'apéritif de ça, un par un, puis après tout le monde parlait de ça, quoi. Ils disaient mais c'est un truc de dingue. Donc ça, c'est les souvenirs des débuts, quoi. Des avis plus unanimes, quoi, là-dessus. Voilà, ouais, c'était bien. On a tous le même ressenti, je pense. Est-ce que vous avez des invités qui sont partis de chez vous en vous disant c'est de la merde ton truc? Personne. Moi, j'en ai peut-être un. Mais je crois que je l'ai foutu sur Eve Valkyrie dès le départ, il était malade. Ah bah oui, mais c'est un peu violent, quoi. Voilà. C'est autre chose. Mais moi aussi, c'est depuis ce moment-là que je fais attention. J'ai des potes qui ont été impressionnés, mais qui à côté sont tombés malades. Et pourtant, ils kiffent ça, mais ils sont malades, quoi. Sur Dirt Rally, moi j'ai un pote, à chaque fois qu'il venait, il voulait jouer à Dirt Rally avec mon volant. À chaque fois, il était malade, mais il voulait rejouer quand même. Donc... Oui, mais moi, quand j'ai commencé, je sais pas, beaucoup de gens, ça, c'est peut-être le cas aussi. Au tout début, j'étais malade de temps en temps. Je me sentais pas bien. Ah ouais? Bah oui, au tout début, il y a des jeux. Comment ça l'appelait le jeu de l'espace dans PlayStation VR Worlds? Il est assez heureux. Il est assez remuant celui-ci. Hein. Ah oui, celui où tu sautes de carcasse en carcasse dans ton écran. Lui, c'est pareil, j'ai ressenti un petit truc. Mais après, moi, ça m'a jamais rendu malade, mais tu ressens quand même. Tu peux t'habituer à. Oui, tu t'y habitues vite. À la VR. Ça, c'est sûr qu'on s'est habitué, ça, c'est certain. Parce que je me rappelle Batman, la Batcave, j'ai tendance à avoir le vertige. La première fois que je suis descendu dans la Batcave, je faisais pas mon fier dans l'ascenseur. Hein. Et alors que maintenant, je le ferai aujourd'hui, je serai tranquille. Quoi. Comme tu rigoles, ouais. Bah, c'est normal. Ouais, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme temps fort, on va dire, dans cette première année du PSVR après toutes ces annonces-là et jusqu'à Resident 7 qui a été une sacrée baffe et je pense personnellement une anomalie en fait dans les sorties sur PSVR, en tout cas à cette période-là. c'est-à-dire vraiment le gros jeu AAA qui nous faisait dire un petit peu bah ça y est, tous les gros développeurs vont rentrer dedans à fond les ballons et vont nous sortir des adaptations en veux-tu en voilà de leurs gros hits, les God of War, les quel gros AAA et exclu PlayStation, et après c'était un petit peu la désillusion quoi. On sentait un... voilà. Ça s'est ralenti. C'est vrai que quand c'est vraiment à la sortie du truc, on a eu quand même quelques jeux et on a eu en gros titre d'annoncer aussi Tomb Raider, oui. Les Liens du Sang. Avec et là, c'est sûr qu'on s'est aperçu que finalement c'était juste une balade dans le manoir et qu'il n'y avait pas vraiment de jeu. Mmh. Alors que au début, on se disait, ça se trouve ils vont nous faire un Tomb Raider complet quoi. Mmh. Donc c'était les prémices en fait de d'autres jeux qui nous ont fait le coup plus tard. Après, on a eu plein de petites choses. On a eu S-Banana. Je parlais tout à l'heure des petites expériences, ah oui, les fameuses expériences. Ouais. Il y a eu Job Simulator qui était aussi à cette période. Ah, oui. Ce fameux Job Simulator, Trackmania, Turbo, The Playroom VR. Ah, The Playroom, oui. Qui, ah oui, justement, qui était gratuit en plus. Dans la démo. Ouais. Qui va donner quelque chose plus tard. Bah, pas qu'une démo, c'était un petit jeu ouais, en soirée à sortir avec des amis. Ouais, mais bon, une fois que tu. T'avais un côté voilà, multijoueur, il me semble, sur la majorité des jeux qui étaient proposés dessus. Justement, t'en avais un qui avait le casque et les autres qui étaient autour pour c'était bien fun, interagir. Bah, c'était l'offre familiale, crossplay pour jouer avec la famille, avec papa, maman. Parce ça. Que tu joues pas tout seul quand t'as 10 ans au PlayStation VR normalement, ou 8 ans. Normalement, il faut tu joues papa, pas. Maman, bah voilà. Papa veut se faire plaisir avec son casque et les enfants, vous prenez la manette. Voilà, ouais, fais le monstre, c'est papa, c'est ça. Ouais. Robocop, ouais, après. Si. Vous vous rappelez de Robocop. Ouais, c'est une honte, lui. Il y a eu un gros jeu à ce moment-là aussi, à peu près à cette période, c'était Super Hot aussi. Super Hot, c'était plus tard, beaucoup plus tard. C'est l'été, non ? Il y a eu Hear the Lie au début Super aussi. Super Hot, il est Monica. Même. Rez. Ah. Rez Infinite, ouais. Thumper, celui-là j'adore. Rez et Thumper, je les adore tous les deux d'ailleurs. Il y a eu Tumble aussi, le truc où il fallait monter des monticules d'objets carrés, cylindriques, et il fallait pas que ça tombe. Ouais. Il avait été pas mal médiatisé celui-là d'ailleurs, parce qu'il avait une bonne physique dedans et permettait justement de bien utiliser les moves et de les vendre aussi, hein, accessoirement. Il y en a un que j'adore, moi. Enfin, quand il est sorti, c'en était un que j'avais vraiment aimé, c'est Wayward Sky. Windlands qui a été un peu boudé mais injustement ouais. Boudé d'ailleurs injustement ouais. Et après je dirais qu'on a commencé à mince, on a oublié Robinson, il y avait Robinson aussi au début, ouais c'est vrai, de Crytek. Eagle Flight Ubisoft, encore un gros développeur, ouais. Justement qui avait mis ses billes dedans aussi. Alors Robinson, voilà, techniquement, alors je sais que ce jeu, il partage beaucoup la communauté, il y en a qui le trouvent complètement pourri, mais je pense que c'est vrai qu'au niveau du gameplay, il est pas c'est pas forcément un truc qui où il y a beaucoup d'action, où il y a. Moi, c'est plus le côté technique, moi, qui m'a impressionné dans Robinson, parce qu'au niveau de rendu de la forêt, quand bah, c'est impressionnant, quoi. C'est, tu tapes un Hardpark derrière, tu rigoles, tu dis c'est pas possible, quoi. Ouais, disons que moi, je fais partie justement des gens qui n'aiment pas ce jeu-là, parce que moi, je l'ai acheté en plus plein pot, je crois que c'était 60 balles à l'époque. C'est ça. Et en fait, sur une promesse de trailer qui était montrée sur le net, qui était pas tenue et qui était complètement même mensonger. Et je l'ai vraiment mal pris, surtout que c'est un jeu qui a pas de fin, globalement. C'est-à-dire que c'est juste un premier épisode, ça fait encore partie des jeux classés sans suite, hein, comme il y en a tant malheureusement sur. Oui, et puis le T-Rex de la fin, on aurait aimé le voir un peu mieux. Un peu plus, quoi. Enfin, voilà, ouais, c'est dommage. C'est un peu dommage. Ah, moi, c'est vraiment le côté technique, ce serait presque une expérience où tu te cales au milieu de cette forêt et tu regardes les arbres, tu regardes les éclairages, tu regardes les textures, tu dis, oh putain, si le casque est capable d'envoyer ça. Disons que c'est déjà une référence au niveau des graphismes d'un jeu qui a une apparence réaliste. Mmh. Et à partir de là, moi, c'était mon modèle. Je disais, je vais voir d'autres jeux, et celui-là, c'est un de ceux qui m'a le plus au niveau du rendu. Parce que je m'attendais pas en 1080p à avoir ça dans un casque. Bah, c'est vrai que de toute façon, Crytek, ça a toujours été des petits génies au niveau des graphismes, avec un souvenir de Crysis, du premier Far Cry avec le CryEngine. Ah bah ils sont allemands, hein, bien sûr. Ça n'a rien à voir. non mais c'est vraiment c'est pas des manches, et bon malheureusement après l'histoire On a oublié un bon jeu. On va finir ce Robinso parce que moi non plus j'ai pas trop apprécié. Ouais. Et vous avez oublié Star Wars. Oui. Alors Star Wars, il est arrivé. Il y a eu une petite série quand même de jeux. Il y a eu l'expérience de Martian VR Experience, complètement pourri, Space avec Rift. Oh My Genesis, Time Machine qui était complètement pourri aussi. Il y avait un truc de basket, il y avait Crystal Rift aussi qui était bien naze. Il y avait le truc avec l'oiseau là. Oh, il sort. Ah, le truc un peu psyché là. Ouais. Surgeon Simulator. Et puis Battlefront. Donc là, Battlefront, une claque. Pareil, une expérience aussi proposée avec le jeu de base, gratuite. Enfin, gratuite si t'as le jeu de base évidemment. Qui dure une vingtaine de minutes et qu'en fout vraiment plein la gueule aussi. Hein. C'est le seul truc que t'as envie de faire quand tu as terminé, c'est de recommencer en fait. Et la configuration au mois de janvier, c'était Resident, Star Wars, les graphismes de Robinson, Rush of Blood, le fun. Tu dis ça va partir. C'est vrai qu'après c'est beaucoup calmé. Ça s'est calmé. Ah bah, c'est sûr que Star Wars, déjà de voir un quadripode impérial se passer devant toi, quand t'as été gamin, t'as déjà été fan de Star Wars, t'as plus en pouvoir, tu vois le truc, tu montes dans un X-Wing, t'appuies sur tous les boutons, t'as les trucs que tu retrouves dans la série. Alors là, quand il y a le vaisseau impérial qui arrive, t'as des frissons, t'as les poils, t'en peux plus, tu dis je vais me faire su, je veux plus sortir de ce vaisseau. Et après, tu poses le truc au bout de 20 minutes, tu dis putain, c'était juste une expérience, mais ils vont nous sortir un jeu, alors là, mais ça va tout déchirer, quoi. C'est ce qu'on a plus dit. C'est là que la frustration, elle est là. Et c'est là que ça a fait mal. On est bien contre, ben voilà. Parce que Criterion, franchement, ils étaient capables de le faire. Et ils étaient capables. Et sauf qu'ils n'ont pas eu les fonds et les moyens. Non, c'est même pas une histoire de droit. C'est politique, arrête. C'est politique, voilà. Ouais, je pense plutôt. C'est même pas une question de thunes. Hein. Voilà. Si Disney dit. Laurent a fait des jolis dossiers là-dessus pour en savoir plus. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai appris beaucoup de choses dans tes dossiers, notamment sur Electronic Arts. C'est des éditeurs, hein, ils font travailler DICE. DICE, ça fait travailler Criterion sur la partie VR du jeu. Et je pense que si tu demandes aujourd'hui à Criterion est-ce que vous vouliez faire une suite, il te répondrait oui tout de suite. Et on leur a coupé, on leur a dit non, vous allez travailler sur Battlefront 2, vous allez faire ça, et point, sinon on vous finance pas. À mon avis, c'est quelque chose comme ça. Ah bah oui, c'est clair et net. De toute façon, ils ont pas leur mot à dire. Enfin, on leur dit faites ça, quoi. Bah, peut-être pour le prochain. Ils ont toujours dit que la VR c'est quelque chose qu'ils avaient adoré et ils voulaient pas la laisser tomber. Hein. Donc il faut juste attendre que le vent tourne chez Electronic Arts et qu'il y ait un petit bonhomme placé en haut d'Electronic Arts qui dit allez cette fois on y va quoi. Mais c'est général, c'est pas qu'Electronic Arts. Non, c'est pas qu'Electronic Arts. Et on a eu aussi Call of Duty Infinite Warfare aussi, il y avait une petite expérience qui était exact, très sympa. Mettre à besoin du jeu de base d'ailleurs. C'était vraiment très impressionnante à l'époque, gratuite. Ah, très sympa. Ouais. Et vous rappelez je me rappelle, rien à voir, mais de Kitchen aussi, on n'en a pas parlé. Kitchen était de Resident Evil 7. Mais c'était le démo qui était à part. C'est vraiment génial. La plus téléchargée du store et VR, et peut-être même de toutes les applications gratuites VR, je crois que c'est la plus téléchargée au monde. Elle était géniale. Elle est ultra efficace, hein, tu sais où tu mets les pieds après. Hein, ça te montre au moins de quoi c'est capable le PSVR. Il y a eu aussi la vague de jeux téléphone mobile adaptés à la VR, Fruit Ninja, Lethal VR, tous ces trucs-là. Il y en avait un aussi, c'était Starship Disco qui était moche à crever. Il était peut-être bien, hein, mais il était très laid. Il y avait un autre avec une araignée, là. Dixed. Dixed, oui, je l'ai celui-là. C'est pas le jeu de rythme là avec des dauphins et des baleines. C'était un petit jeu hein, qui valait rien. C'était un jeu de rythme. Avec les moves chaud-froid. Exactement. T'avais la glace d'un côté, le feu de l'autre et fallait tirer sur les ennemis avec le bon move. Et non, si, c'est, C'est une petite expérience qui valait pas très cher, hein. Je sais plus si c'était 5 ou 10 euros, mais. Oui, c'était pas très cher, c'était pas très long, c'était pas dégueulasse. C'était des bons devs, je sais plus ce qu'ils ont fait exactement d'autre, mais c'était très court. Très court, pas dégueu, sympa. Mm. Mais pour l'époque, ça passait. Maintenant, on nous sort ça, c'est plus possible, quoi. On a passé cette première période avec quelques jeux quand même, des Riggs, des F-Valkyrie, pas mal de petits trucs, des Roller Coaster Dreams, des conneries comme ça. Et là, la baffe, Resident Evil. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? L'anomalie, pour moi c'est une anomalie, c'est un jeu qui... Enfin, une anomalie jusqu'à... Enfin, là on s'arrête, on n'a pas fini la première année du PSVR. Et je tiens à passer tout de suite à Farpoint, qui est arrivé quoi, 4-5 mois après. Il est arrivé en juin, non ? C'est ouais, ça, mai-juin Farpoint, je sais plus. Mai-juin 2017. Mois de mai, non ? Non, mai ou juin. Mai, 16 mai, voilà, 2017. Ah, bah, avec son M-Controller. Et, avec le M-Controller, ouais. Et de la bombe. Enfin, deuxième grosse baffe, voilà, exactement. C'est un petit peu ce qui a redonné un petit peu de baume au cœur aux joueurs PSVR, d'ailleurs, je pense. Un FPS où tu te déplaces librement, qui fonctionne, qui fout pas la gerbe. Ah, mais il a montré. Pour tous les fans de Starship Troopers, c'est une autre génération. C'est toute la génération justement qui est à fond dans la guerre. Donc, ceux qui aiment bien se prendre des araignées dans la gueule. Comme Indy, je l'ai fait, mais il fallait que ce soit des araignées. Quoi, mais... C'est vert, quoi. Ça ne m'a pas dérangé, mais franchement, au début, c'est quand même assez saisissant. Genre, les premières gueule, tu fais pas le fier, quoi. Même le boss est vraiment très impressionnant. C'est, à l'époque, on connaissait pas trop ça. Bien impressionnant. Mais Farpoint, c'est lame surtout. Hein. C'est arrivé lame et Farpoint, ou Farpoint et lame, mais... C'est surtout l'accessoire. Pour moi, c'était une révolution, l'aim. Le vrai déplacement libre avec un joystick dans un FPS en VR, quoi. Et bien pensé et ergonomique. Ouais. Et voilà, tu l'as bien en main, il fonctionne ultra bien. C'est en tout cas effectivement le premier jeu qui a été vendu en bundle avec le aim controller. Figure pour un petit peu de cet accessoire qu'on n'a pas trop eu l'occasion d'utiliser les semaines voire les mois qui ont suivi, quoi, à part pour un jeu de pêche. Même l'année, tu peux y aller, hein, l'année qui a suivi. Ouais, voilà, t'avais des petits jeux indés, genre il s'appelait comment le jeu de pêche là que tu m'avais montré, Spanx là. C'est Dick White. Dick White, ouais. qui est génial, et en fait qui est sorti en même temps, voilà, qui est sorti juste après Farpoint, et qui a profité en fait de mettre directement la compatibilité à M-Controller. Et franchement, M-Controller il est génial, il est très fun, tu le sors avec des potes, celui-là il est génial. C'est un wave shooter, mais au moins il est vraiment amusant et très efficace. Enfin bref, donc lui aussi il était sympa, mais bon, c'est un petit jeu. Il est fun, quoi. Il est bien fun. Et aussi dans cette période-là, il y a aussi Star Trek Bridge Crew qui est sorti beaucoup plus tard. Star Trek. C'était beaucoup plus tard. C'était quand ça. Non, après, entre Resident Evil et Farpoint, il y a I Expect You to Die, oui, qui était pas mal. Il y a eu Starblood Arena. On a eu Static. Oui. Après, il y a eu des jeux il y a eu des VR Cards, des Polybius, Gnog. C'est le truc que j'ai dû l'essayer à 5 minutes, je crois. Symphony of the Machine, qui était naze aussi. Il y a eu pas mal de petites expériences, mais bon, il y avait Fated là, avec un truc style Skyrim, ouais, Vic, avec des chevaux qui étaient gros comme des mammouths. Qui était super bien, moi j'ai beaucoup apprécié celui-là. Ah ouais, mais alors la fin, dis donc. Et pareil, encore un jeu classé sans suite. C'est une virgule. Il se moque de moi, c'est pas possible. Ah bah, si t'aimes pas les fins hollywoodiennes qui se terminent bien, c'est vrai que celui-là est pas mal. Hein. Et donc, juste après Farpoint, on a eu Dick Wild, on a eu Star Trek et Tekken 7. Le fameux Tekken 7. Je suis pas déçu d'avoir pris un PSVR, rien que pour celui-là, parce qu'il faut dire que c'est une sacrée tarte dans la gueule. Alors moi, enfin, ce jeu, je tiens à signaler qu'il a influencé, en fait je voulais le prendre sur PC, et quand j'ai vu qu'il y avait le mode VR, je me suis dit pourquoi pas le prendre sur PS4, je l'ai payé plus cher sur PS4, mais pareil, pour ce mode VR de merde. Pareil, c'est le mot. Tellement fait rouler sur ce coup là et je me suis tellement senti rouler, mais exactement, que je l'en veux. On a bien vu par la suite que de toute façon, Bandai Namco, ils se foutent de la gueule du monde en VR. Le jeu lui-même est bien. Le jeu lui-même est bien. Allez, mais tu vas acheter Ace Combat 7, combat 50 balles pour faire une heure de VR, voyons. Ouais. Il revient souvent dans les discussions Ace Combat, j'ai l'impression. Hein, c'est... Ah bah. Normal. C'est, voilà, c'est l'effet qui se coule, le deuxième effet qui se coule Namco Bandai. Hein, voilà. C'est le running gag un peu. Quoi. Ils te mettent un truc de dingue qui fait rêver, et puis alors Ace Combat, en plus, ils te le retardent de 1 an et demi, 2 ans, et puis derrière. Je dis pas que ça va être mauvais, hein, attention, je dis pas que ça va être mauvais. Ah non, c'est ça le pire. C'est que ça va être un truc comme Battlefront, on va avoir une petite expérience de. Enfin, c'est quelques petites missions, on va avoir 2 ou 3 heures de jeu en VR. Mm. C'est intéressant, mais ça justifie pas le. Je le prendrai peut-être quand on arrivera à le taper à 15€. C'est ça, d'autres cas. Je crois que ça vaut moins cher de prendre un billet d'avion, d'aller au Japon dans une salle d'arcade. Non mais les 70 balles pour 40 minutes ou je sais pas une heure, ça fait quand même cher. Hein. Ça sera une belle heure. Hein. Mais voilà, c'est court. Ce sera pas mauvais. C'est ça le pire. Mais voilà. Ou alors ils vont nous annoncer. Eh non, en fait c'était une blague. Le jeu est totalement compatible. Non, faut pas rêver. Non mais arrête, tu te fais du mal là. Ça sert à rien. Faut arrêter avec ça. Tu nous fais du mal aussi. Passons Tekken 7. Après on a eu Mortal Blitz. On a eu Arizona Sunshine. Oui. Ah oui. Qui avait cartonné sur PC d'ailleurs déjà. Que tu pas mal. Qui s'était fait un petit nom. Arizona qui est sorti juin ou juillet. 2017. Arizona Sunshine, moi je dirais au mois de juin, de tête. Il me semble que c'est fin de juin. Le 27 ouais. juin. Ouais, voilà. C'est le seul jeu VR sur PSVR qui a réussi à me foutre la gerbe. C'est le seul. Il faisait chaud. Et alors, non, il faut savoir que. C'est pas bête. Ça. C'est vrai quand ça fait chaud. Quand j'ai pris le jeu, alors déjà il faisait chaud. Mais il rend un peu malade les déplacements. C'est pas fluide en fait, c'est trop bizarre. Il y a un décalage quelque part et j'ai vraiment ressenti le truc. Habitué, il est très jouable. Vous avez rejoué avec Claim, avec près tous les patchs et tout ça. J'avais joué avec Claim, ouais. J'avais essayé chez Stamp. Ouais, moi j'ai beaucoup joué. Enfin, j'ai quand même pas mal joué. Je l'ai fini déjà 2-3 fois. Ouais. Il est bien quand même. Ah ouais. Il est fun à deux, bon. Tu te barres bien. Et je le conseille quand même à l'aim contrôleur, de toute façon. Ah ouais. Enfin, ouais. Donc oui, il y a eu quand même des jeux à cette période-là. Oui, ça. Quelques jeux. Heureusement que les indés étaient là, quoi. Oui, voilà, oui, il y a eu des trucs, il y a eu Fantastic Contraption, des petits trucs de construction, des petits jeux. Hein, il y a eu Infinite Mini Golf, qui était pas si mauvais que ça. Très sympa. L'expérience, il y a eu les expériences ciné aussi, qui ont essayé de s'introduire en VR en faisant de la pub pour Spider-Man Homecoming, où là tu vois dans la bande-annonce Sony du PSVR Spider-Man, tu commences à dire waouh, super, et puis quand tu vois l'expérience, tu dis mais c'est pareil, c'est 5 minutes, bah, c'est juste pour faire de la promo pour le film. C'était gratos. Donc. Et c'était gratuit. Hein. À la limite, quand c'est gratuit, c'est pas critiquable. Et Super Hot. Ouais. Et Super Hot. Ouais. Ouais. Ça, c'est pas critiquable. Disons que quand tu fais de la com dessus, ouais. Super Hot, c'était une grande réussite du PSVR. Une bonne adaptation, avec les moves, ça marchait très bien. Sur PC, c'est considéré comme un des meilleurs exemples de ce qu'il faut faire, justement, dans le gameplay en réalité virtuelle, quoi. Parce que tu bouges dans tous les sens, tu anticipes les balles, les mouvements de tes ennemis, etc. Tu fais vraiment corps, justement, avec le gameplay. Sachant oui, puis la réalisation est propre, mais très simple, donc c'est parfait pour le PlayStation VR. Ouais. Très bon jeu. Ouais. Après, c'est le tracking, il faut bien se placer par rapport à la caméra. J'ai eu des petits soucis, parce que j'ai un salon petit, donc avec le PSVR, c'est pas évident. Dès que tu te retournes, c'est la merde, hein, de toute façon. Nous aussi. Mais bon, là, dans celui-là, tu joues pas à 360, réellement. Donc, ouais, ça se passe plutôt devant. Ouais, c'est vrai. Je voulais juste citer Dino Frontières, le petit jeu de stratégie. Oui. J'ai jamais fait. Au mois d'août. En même temps que Theseus. Mm-hmm. Ouais. Qui avait un zoom de dingue. Enfin, qui a un zoom de dingue. Des graphismes simples aussi, mignons. Un peu répétitifs, mais bon, un peu cher toujours. Les mêmes développeurs que Wayward Sky. Ouais. Mm-hmm. Ils font des jolis jeux quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal. Un peu cartoon, bien, mignon quoi. Ça rend bien en VR, c'est sûr. Et Theseus, qu'on avait vu teaser. God of War. le God of War du PSVR. Du PlayStation VR. Disons que c'est la première fois quand même qu'on avait une vue à la troisième personne comme ça sur un jeu de ce type, et on n'a pas pu s'empêcher de penser à God of War. On a dit, c'est, voilà, ils peuvent le faire, techniquement. Et puis c'est sorti. Le jeu est pas parfait, le jeu n'est pas très beau, mais le jeu a une très bonne proposition, je trouve. Je l'ai vraiment pas détesté. Techniquement, ça prouve ce que le PSVR est potentiellement capable de faire. Donc, il est court, il y a des défauts, mais il te balance un God of War avec ce principe-là, je suis sûr que ça fait un carton. Carrément. En plus, l'histoire est sympa. Ça fait plaisir quand même de voir justement qu'il sort un petit peu du FPS pour tenter autre chose et voir que ça fonctionne. C'est un bon premier essai. Et en plus, je crois qu'ils n'étaient pas nombreux. C'est une toute petite équipe. Italienne. En même temps, il y a eu Archangel, il y a eu Smashbox qui n'ont pas vu venir Rec Room. Ouais. Rec Room, il les a démontés, hein, de toute façon. Et puis à partir de fin août, on a eu Sparks, Don't Talk Not Twice, The Lost Beer et Bloody Zombie. The Lost Beer, très très bon jeu celui-là aussi. Ouais. La dernière bière. Il est très bon en anglais. Hein, ouais. J'ai longtemps cru que c'était une histoire de bière, moi. C'est sérieux ? Donc là, on est post E3, et à l'E3 quand même, il y a des annonces qui sont faites. Il y a une parenthèse vers PSVR, clair, un peu chiche, hein, mais avec Moss surtout donc plutôt Skyrim. Hein, c'était ce moment-là. Skyrim, ouais. Ils n'avaient pas présenté aussi un petit peu Gran Turismo Sport ? Si, il était avant Skyrim, Gran Turismo. Il y a eu Rodata aussi, et The Invisible Hours. Invisible Hours, c'est au mois d'octobre. Donc là, Invisible Hours, on était au 1 an du PSVR. Et est-ce qu'il est sorti le 17 octobre. Est-ce qu'ils n'auraient pas présenté aussi les Bravo Team et The Impatient? C'est deux magnifiques jeux qui nous ont tant donné l'eau à la bouche, quoi. Exact, parce que justement, donc on était pour The Invisible Hours le 17 octobre, donc le PSVR avait un an, et de toute façon, Bravo Team, The Impatient et tout ça, on en a eu conscience soit à l'E3, soit à la Paris Games Week. Mm-hmm. À la Paris Games Week, on a essayé Bravo Team. Ouais, c'était avant, et il y a eu beaucoup de retard sur les deux jeux, rappelez-vous. Ils devaient sortir en fin 2017, ils sont sortis cette année. Mm. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'était des repoussés pour plus tard. Hein. Première année, on savait que c'était une première année, que ça n'avait pas encore bien démarré. Il y avait quand même quelques trucs intéressants. Hein. The Invisible Hour, c'était pas mauvais. Il y a eu Solus Project aussi. Solus Project, ouais. Radial G, on n'avait pas de iPod. Il est génial, The Solus Project, je le redis. Hein. Celui-là, il est génial. Mais il est toujours très bien placé dans le classement qu'on est en train de faire en ce moment, hein, de faire voter les visiteurs. Il est dans les 20 meilleurs jeux des 143 jeux proposés, quoi. Bon, tant mieux, ce qu'il le mérite. Et après, on a eu GT Sport qui est arrivé. Ah ouais. Alors là, est-ce que c'est froide? Ouais, c'est si, on était déçus quand même. Ben oui, c'est un peu c'était, le Tekken 7 des jeux de course, quoi. Techniquement, c'était bien foutu, hein. C'était plus joli que Drive Club. On n'en a pas parlé de Drive Club d'ailleurs. Mais c'est vrai que pas de multi, pas de. C'était encore l'expérience placée au milieu du jeu, quoi. C'est Sakaguchi, je crois, qui fait Gran Turismo, et même avant que le jeu sorte, il disait à demi-mot que le PSVR, il y croyait pas, il y arrivait pas, et que ça l'intéressait pas, quoi. Donc, c'est un perfectionniste, le mec. Il essaie depuis tout le temps de faire le plus beau jeu de course sur console. Et il se bat maintenant contre d'autres qui le dépassent. C'est vrai. Et là, on lui demande de faire un jeu en réseau casque vert, et il est dégoûté, quoi. Tous ces beaux effets, il peut pas les mettre. Donc, il a trouvé ça nul. Ouais, c'est possible. C'est vrai. Effectivement. C'est vrai. Et ça a dû en plus peut-être le restreindre sur le développement du jeu en lui-même. Je sais pas, hein, je fabule peut-être. Je sais pas. En tout cas, c'est pas les meilleurs jeux, les Gran Turismo. Je pense que s'ils vont voir les développeurs de Forza, peut-être qu'ils pourront prendre des cours en optimisation. C'est pas faux non plus. Non, mais en plus le jeu était sorti un petit peu vite, je crois, et qui est même dans sa version classique, était pas fini, quoi, était pas terminé. Ça merdait dans tous les sens, il y avait un gros manque de contenu. Les gens n'avaient pas compris que c'était vraiment axé dans le multijoueur, et voilà. En gros, c'était un lancement un petit peu raté pour ce Gran Turismo, malheureusement. J'ai pas assez joué au jeu, mais j'ai cru comprendre que c'était un des moins bons GT. Et c'est pas un Gran Turismo, c'est un GT Sport. Et il est tout le temps en sol, hein, donc il doit pas tellement marcher, hein, un peu comme Tekken, encore qu'il était bien vendu, mais il marche pas bien. Mais apparemment, quand même, le mode VR, c'est un grand nom. Voilà. Mais il est pas le mode VR, il est pas dégueulasse, hein. Faut dire qu'il est mieux que Drive Club, c'est plus joli, c'est plus. Par contre, ouais, c'est vrai qu'il fait encore une déception parce que il était sur la boîte de notre depuis un an qu'on l'attendait, et quand on reçoit ça, ben c'est une blague, quoi. C'est une blague. Bah, surtout que, enfin, je vais juste reciter un petit jeu qu'on a oublié de citer qui est sorti, je crois, en février 2017. C'est Dirt Rally. Dirt Rally, vu qu'on est juste dans les jeux de voiture. Donc, on a parlé de Drive Club. Bon, Drive Club, on a vu ce qu'il donnait. Hein, il était pas beau. Mais Dirt Rally était quand même vraiment pas mal. Il était terrible. Il est vraiment cool. Il était complet. Vraiment et complet. C'est le meilleur jeu de voiture pour le moment auquel j'ai joué. Je pense avec, sur PSVR. Mais en VR en général. Aussi, c'est un de mes préférés. Ah ouais, Project Cars 2, tu mets pas côte à côte ? Je préfère le rallye. Ouais. Après, c'est une question de goût. Je préfère le rallye. Non, et puis il était vraiment cool avec les effets météo, même si c'était un petit peu flou. C'est magnifique quand même. Ouais, vite les fait, effets météo, les effets de glissade avec le volant, il est génial ce jeu. T'avais ta volant qui sautait et tu regardes à travers la lucarne. C'est... Ah, parce que moi, c'est un des jeux que j'ai plus. Enfin, à l'époque, j'ai plus joué en fait. Mm. Avec Solus Project justement. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux où t'avais envie de passer du temps. Mm. Bah, il fonctionne bien, Dirt. Il n'y a qu'un truc, c'est quand tu sors la tête du véhicule que tu te vois que t'es dans des demi-voitures. Oui. Ah ouais, c'est pas grave. Mais ça sert à rien parce que quand t'es dedans, quand t'es dans la course, tu regardes pas. Donc on l'a tous vu ça. Donc Dirt pas vu, et VR Kart. Wow. Quelqu'un l'a essayé d'ailleurs, VR Kart? Vite fait. J'avais eu un code. C'est un bon départ. Et alors, le truc idéal qui pourrait arriver aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure, c'est que Azobi, il nous fasse un Astro Kart. Ça serait un truc qui m'éclaterait. Un Astro Kart, un délire un petit peu à la Rainbow Road de Mario Kart. Un Mario Kart. À la Mario Kart, Sonic All Star Racing. Ça serait génial. Ils en seraient trop capables. Ou une compile avec plein de gens. J'en ai parlé à Nicolas Doucet là, quand on avait fait l'interview. Je l'avais vu, ouais. Et il avait répondu, il avait dit c'est une proposition à faire, c'est vrai que oui, il a pas dit non, quoi. Il a dit ouais, c'est vrai que ça serait cool, quoi. Ça serait pas mal. En plus, ils l'ont tous fait, même Crash Bandicoot l'a fait. Mais bien sûr. Et il est très bien. Il n'y a pas un brevet déposé pour pas faire comme Mario Kart. Oh bah non, ça serait hein. Un petit clin d'œil à Diddy Kong Racing. Il était vraiment aussi. Il était très très cool celui-là. Bon bah tu vois, t'en as déjà en plat finalement. Allez, bah, merde là. Bon du coup, est-ce qu'on peut se dire que la sortie de Skyrim, c'est quand? Attention, à partir de maintenant, on démarre la deuxième année. C'est ça, c'est la deuxième année, donc là c'est vraiment le pivot. Justement, Bethesda qui nous sort donc l'adaptation sur PSVR de Skyrim, à peu près la seule plateforme qui n'a pas eu sa version de Skyrim. Et donc, double proposition de Bethesda avec Doom après, hein, d'ailleurs. Et Doom VFR, ouais, effectivement. Monster of the Deep, Doom. C'est pas mal, ouais. C'est tout ce qui a été annoncé en même temps. Il y a Eurodata qui est arrivé. Celui-là, je le guettais depuis très longtemps. Et un peu déçu au niveau des rendus, quoi. C'était bien aliasé, c'était bien. Mais il est pas mauvais, le jeu. Je pense que sur PC, il doit vraiment envoyer, quoi. Mal optimisé sur PS4 à mon avis. Bon. Et juste, et je voudrais pas, revenir quand même. Pas de multi aussi. Je voudrais revenir sur Skyrim. C'est le premier jeu, si je dis pas de bêtises, non, il y avait Soyuz Project un petit peu avant, qui essayait justement de, dans un FPS de, d'adapter le gameplay avec les moves pour des déplacements libres. Au départ, il était annoncé en TP, et ensuite ils l'ont adapté avec les déplacements libres. Et du coup, c'est là que, malgré la bonne proposition de Skyrim, enfin, moi je suis un gros fan de Skyrim et de cette version PSVR, il y en a pas mal quand même qui ont tiqué sur justement l'utilisation de ces moves qui étaient, selon eux, en tout cas, pas adapté. Oui, moi. Trop vieux. Et voilà, il manquait le stick, ça, on est tous d'accord là-dessus. Et voilà, mais qu'est-ce que vous en avez pensé du coup de cette nouvelle proposition de gameplay, on va dire, de déplacement? Elle est pas mauvaise. Alors, je suis moi, franchement, les moves, dès le départ, j'ai pas hésité à y taper dessus parce que ça m'a vite gavé. Par contre, ce que Soyuz Project a proposé de à l'inclinaison du move, de pouvoir faire des déplacements comme ça, c'était vraiment une très très bonne idée de la part des développeurs de trouver cette idée-là sans stick, comment se déplacer. C'était pas simple non plus, mais ils ont trouvé ce truc-là. Et dans Skyrim, c'est surtout les rotations aussi. C'est ça, ouais. Et dans Skyrim, j'ai fait peut-être une demi-heure avec les moves, et puis à la fin, tu vois, je me suis dit, ben, je retourne à la DualShock, parce que j'ai mes habitudes. Ouais. Aberration. Ouais, ouais, ben, sorcellerie. C'est vrai quand t'as un arc. Je suis pas d'accord non plus. Mais je comprends ce que vous voulez dire, parce que c'est vrai que quand t'as un arc, les moves, c'est tellement plus immersif. Bah ouais, bien sûr. Mais même pas que avec l'arc, en fait. Appuyer sur un bouton pour tourner et tout ça, mais je trouve ça tellement débile que j'ai. Et puis en plus, le envoyer les moves dans Skyrim. Bon, ça suffisait pourtant. En vrai, voilà, ça pallie bien. Et dans un jeu comme ça, alors dans un jeu multi, un firewall, si t'as deux flingues dans les mains et que tu te déplaces comme ça, c'est même pas la peine. T'es mort. Mais pour un, voilà, c'est pas la peine. Enfin, ça serait pas très fluide. Mais là, c'est jouable quand même. C'est jouable. Il faut que je le refasse avec les moves, mais en fait, je l'ai bien attaqué, mais avec Skyrim, c'est déjà un jeu que j'ai déjà fini au moins deux fois. Et puis d'abord, il y avait eu Oblivion d'abord, et puis sur PS3. Et derrière, j'ai dit, je vais me le refaire en pas très très joli non plus, hein, c'est quand même un très gros jeu PS3 à la base, mais c'est pas du tout dégueulasse. Après le patch, en plus, il est encore plus beau. C'était ma petite crainte, et puis j'ai été agréablement surpris. Et puis bon, c'est Skyrim, quoi. C'est pas un jeu, enfin c'est une légende. C'est... Moi, ce qui m'a donné le tournis avec Skyrim, c'est le grand écart. C'est-à-dire qu'on avait eu pendant toute l'année des expériences courtes, une heure, parfois moins, un peu plus. Et tout d'un coup, un jeu de 100 heures. C'est le premier qui donnait vraiment la proposition de pouvoir rester bloqué dans ton casque heures et des heures et des heures. De plus avoir de vie sociale. Voilà, exactement. Perdre tes amis et tout. Et voilà. On le remercie pour ça d'ailleurs. J'avoue qu'au début c'est pareil. Moi, Skyrim, ça m'intéressait pas trop. Après, quand j'ai vu, une fois que j'ai vu qu'il y avait des déplacements libres, j'ai pété un câble, je l'ai précommandé. Je l'ai pas regretté. Il est génial. Ah oui. Il est vraiment génial. Sortir ça sur PSVR, c'est vraiment cool, quoi. C'est justement à ce moment-là que Doom, Skyrim, ils étaient présentés en téléporte et finalement compatibles fluides. Vous vous rappelez qu'on avait flippé là-dessus, hein, parce que on se disait, putain, s'il faut, parce que à la Paris Games Week, moi j'avais essayé Skyrim, j'avais essayé Monster of the Deep, j'avais essayé Doom, j'avais essayé Escombat, j'en ai essayé quelques-uns. Escombat, c'est en téléporte? Non, je rigole. Non, mais Skyrim, la démo était en téléportation et Doom en téléportation également à la Paris Games Week. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils veulent pas rendre les gens malades. S'ils rendent les gens malades pendant qu'ils testent, mais c'est même pas la peine. Ils perdent tout, quoi. Je suis ressorti, mais j'étais dégoûté. J'ai dit, putain, si tout le jeu de 100 heures était en téléportation, mais au bout de 3 heures, je laisse tomber, quoi. La confirmation, on l'a attendu longtemps. Hein. Il y avait un gars qui avait fait une vidéo justement avec les déplacements fluides, et c'est là qu'on s'est dit, finalement, il y a les déplacements fluides et tout, ça va être génial. Mais ça a été le doute pendant des mois, là-dessus, des mois. C'était horrible. Mais ils l'ont fait. Et on les remercie. Et d'ailleurs, ils ont fait que des mises à jour et ils ont fait que l'améliorer leur jeu. Ça aussi, il faut le signaler quand même. Ouais. Ils ne sont pas moqués de nous, hein, Bethesda. Ils sont pas. Ils ont tapé. Par rapport aux autres, je veux dire. Hein, par rapport aux autres gros éditeurs. Ouais, là, ils ont fait payer le jeu plein but, certes, mais franchement. Ah, coup, par rapport voilà, au prix. Non, ouais. Ils te refont passer à la caisse sur un jeu qui a 10 ans. C'est vrai, c'est vrai. Et c'était assez paresseux finalement. Il n'y a pas de mode. Pour leur défense, il n'y aurait pas eu Skyrim, on aurait un sacré trou au milieu de notre catalogue. Bah, je pense, ouais, je pense aussi. Et puis bon, faut pas oublier aussi qu'ils l'ont sorti sur Switch en même temps. Ça a pas gueulé, quoi, à ce niveau-là. Enfin, beaucoup moins, tu vois. Ouais. C'est pas. Et puis c'est quand même en VR Skyrim. Enfin moi quand j'ai vu la bande annonce, c'est pareil que j'ai eu des frissons. J'ai dit putain ils vont me le faire en VR, c'est pas possible. Mmh. C'était un truc de malade. À côté on avait Rec Room gratuit, mais bon voilà Skyrim, c'est Skyrim. Là je me rappelle bien quand on a vu là-bas. Ah bah ouais. Puis comme je dis c'est une légende, c'est un truc. C'est un des jeux de PS3, PS4 qui a marqué une génération et qui a passé le cap de jeu quoi. C'est j'aime bien et je l'avais jamais fait et je suis super content qu'ils sortent en sur VR comme Borderlands qui sort à la fin de l'année là. Pareil, ça ce sont des jeux que j'avais jamais fait et les découvrir en VR, ça, tu as l'effet de surprise en plus, c'est ça qui c'est le top. Hein. C'est vraiment mon seul regret pour Skyrim VR, c'est d'y avoir passé des centaines et des centaines d'heures en plat quoi. Mmh. Avant la redécouverte comme ça, c'est quand même autre chose. Hein. Donc ouais, on peut passer aussi à Monster of the Deep, ce jeu de Square Enix. Final Fantasy 7, propos, 15. Ouais, 7, non, tu peux l'en passer 7, là. Oui, 7, oui. Tu vois, c'est celui qui marque. Donc. C'est ça, c'est le lapsus. Qui est un jeu de pêche, quoi. C'est ça que les gens attendent, des jeux de pêche sur ouais, grosse voilà, licence. Voilà, hein, voilà, voilà. Ils auraient pu nous faire Skyrim pêche. C'est vrai. Mmh. C'est vrai. D'ailleurs, tu peux pêcher dans Skyrim. Après, moi, oui. Je ne l'ai pas détesté non plus, Monster of the Deep. Hein. En promo, il passe. Il aurait un autre nom et une autre licence. Il n'aurait pas de licence, il serait passé mieux, je pense. Mmh. Ou inaperçu. Ouais, c'est vrai. Justement. Mmh. Donc bon. Ensuite, si on passe un petit peu, donc Doom VFR, évidemment, avec les déplacements fluides qui fonctionnent super bien. En gros, c'est simple, hein, c'est un FPS console classique, mais où t'es dedans, quoi. Et ça fonctionne du feu de Dieu, ça aussi. Ah bah, c'est touché un hit, le précurseur du FPS arcade gore rock'n'roll, t'es ouais. dedans quoi, c'est génial. Oh, Doom, c'est l'euphorie. Moi, quand j'ai commencé les premières minutes, j'ai halluciné. J'étais t'as vraiment. Pas ouais. T'as pas de gêne, t'as aucune gêne. Et t'as pas peur, t'es tout puissant, c'est ouais. nickel. Tu t'exploses des corps, sans te tâcher en plus, c'est ça qui est sans très tâcher. Cool. Merci la VR. Ça, c'était le 1er décembre, Doom, et il y a un petit truc aussi de Japan Studio, c'est voilà. Le 12 décembre, The Last Guardian, la démo. Moi, je reste, alors j'ai jamais eu la réponse, pourtant, c'est pas faute de l'avoir posé à Japan Studio. Est-ce que c'est une expérience qui a été balancée comme ça, juste pour faire plaisir, elle était gratuite, hein, juste pour faire plaisir aux joueurs VR, ou est-ce qu'ils ont fait comme Astro Bot, ils ont fait des expériences, on va voir comment c'est perçu, et puis derrière, on va essayer de faire le jeu. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en moi, tout cas, c'est pas impossible, quoi. C'est pas impossible. Ah, c'est surtout quand on voit la logique de Japan Studio qui fonctionne bien quand même, et de London Studio qui fonctionne avec de la démo, et puis derrière, ils nous font de vrais jeux. Donc pourquoi pas. C'est pas impossible. C'est vrai. C'est mon premier test d'ailleurs pour le site, celui-là. Ah. Souvenir. Il a plu, hein, il a beaucoup plu. C'est la première expérience. Alors donc là, nous, on est en train de faire voter on est tous en train de faire voter les visiteurs donc sur les 243 jeux qui sont dans le catalogue. La première expérience, c'est The Last Guardian. D'accord, dans les trucs gratos. C'est celui qui arrive en tête. Ok. Qui l'a fait ici? Quelqu'un l'a fait? Ça bah, moi, j'ai, moi, je l'ai fait du coup. Ouais, oui. Ouais. Je te dis, je l'ai testé pour le site celui-là. Étant un gros fan de téléportation qui fait un peu grincer des dents, mais TP, et puis c'est vraiment TP dégueulasse, hein. C'est vraiment TP. Pour le reste, c'est impressionnant de voir le tricot échelle 1. Ça, ouais. La présence puis, en fait, c'est quand même une histoire qui a beaucoup de d'émotionnel, et en VR ça devrait tout casser, quoi. C'est un truc. Bah, c'est la direction artistique, les volumes, ouais. C'était bien fait, c'est propre, c'est vraiment les plumes. Vous avez, quand vous étiez sur le dos de tricot, c'est magnifique. Hein. Enfin, on s'y croit, hein. Une belle promesse, quoi. On va être patient, on va voir ce que ça. Oui, puis un jeu qui se serait pas trop mal prêté à la VR, parce que c'est de la plateforme, des vertiges, une dualité avec un quelqu'un qui est beaucoup plus grand que soi, donc c'est vachement impressionnant. Et pour moi, The Last Guardian, c'est ou l'un ou l'autre. Ou bien c'est la surprise qu'ils vont nous sortir fin d'année ou l'année prochaine, le jeu complet, ou un jeu complet, ou bien c'est un projet avorté. C'est possible. Ce qui est possible, parce que c'est quoi, c'est Fumito Ueda, si je dis pas de bêtises, qui s'occupait de cette trilogie, en fait, Ico, Shadow of Colossus et puis The Last Guardian. Il n'est pas sur un autre projet en ce moment, lui. C'est pas barré de Sony, plus ou moins. Déjà, il était juste consultant, je crois, pour la fin du développement de Last Guardian. Il me semble avoir entendu un truc comme ça, oui. Mais ça s'est mal terminé. Je m'en rappelle pas les précisions, mais si, il me semble avoir entendu un truc. Je suis pas certain qu'il soit encore Team Sony, justement, pour pousser le VR, quoi. Je crois. Seul l'avenir nous le dira. Est-ce qu'on peut passer, du coup, à The Impatient ? Le 24 janvier 2018. Suite de Rush of Blood et de... Et de Until Dawn. Et là, la c'est le drame. Plutôt. Ben non, c'est pas le drame encore. C'est une désillusion, mais c'était pas un drame. Traumatisme. C'était pas un drame. Ah, le traumatisme, je dirais. Non, le traumatisme. Disons qu'il a fait partie de. On rentre dans cette période noire là. On a eu le trio de choc. Bravo Team, The Impatient et Ark Park. Qui étaient les trois supports de cette période, et les trois, ça a été trois pétards mouillés. Ils se sont viandés complètement. Voilà, c'est ça. Surtout que Bravo Team et The Impatient, ben, on a su de tout, ils ont géré les deux projets en même temps. Hein. Alors pour The Impatient, moi franchement, au bout de, je crois que on l'a terminé en 5 heures ce truc-là. Je me suis fait chier quand même par moment. C'est un walking simulator, mais un peu plat, quoi, un peu chiant. Moi, j'ai été extrêmement déçu en tout cas par celui-là. J'aime beaucoup cette licence-là. Il y a des bonnes idées, on va dire, de mise en scène de temps en temps, mais sorti de ça, c'est non. Acte manqué. Ouais, je vais faire court. Pour que ça, une bouse. Après, enfin. Je veux pas critiquer ceux qui connaissent pas Until Dawn, mais enfin, si tu connais pas du tout Until Dawn et que t'as fait juste Rush of Blood, tu connais pas l'univers d'Until Dawn. Et y a quand même des liens en fait avec la licence originale et le jeu original. Ouais, bien qui sûr. Font c'est que lieu, quand ouais. même il y a un petit truc. Et je l'ai dit, moi, je l'ai pas trouvé si pourri que ça. Bon, il y a des bonnes idées, il y a des trucs qui sont longs, il y a des trucs les échelles sont pas terribles, mais il y a quand même des bonnes idées, il y a une bonne ambiance, il est pas si dégueu que ça ce jeu. À 20 euros en tout cas, voilà. Donc il est trop cher. Tu sens que le budget a été cut. Il y a un truc qui s'est passé dans le développement. Il y a une techno, c'est la confiture au cochon. La techno est géniale, mais mal exploitée. Un mauvais rythme, mais bon, il y a quand même une ambiance et ça reste dans l'ambiance de Until Dawn. J'ai quand même bien aimé certains trucs. Bon après, 40 balles. Voilà. Des personnages. Aussi, hein. C'est des personnages qui font 3 mètres de haut. Voilà, donc les problèmes d'échelle, on est bien d'accord. Dès le début, on s'en rend compte, ça c'est un peu dégueulasse. Et puis il est cher. Enfin, il était cher. Il aurait pas dû. S'il était vendu 20 euros, je pense qu'il aurait eu des meilleurs retours. C'est 40 euros, ça fait mal. Et autour de The Impatient, on avait d'autres supports qui étaient Manifest 99, Stardrone, Out of Ammo, Cold Iron. Donc en fait le seul qui tenait la route, c'était Ultra Wings, je pense, qui tenait, oui. qui était pas mal. Cold Iron était cool quand même, il était un peu cool quand même ce jeu. Oui, mais je veux pas dire que c'était des grosses bouses, mais c'était, disons qu'on avait des, comme je disais tout à l'heure, il y avait des piliers et finalement d'autres jeux plus indépendants en dessous qui sont bons ou mauvais, hein, mais finalement les piliers annoncés n'étaient pas les piliers qui soutenaient l'ensemble, quoi. Ultra Wings était un meilleur pilier que The Impatient, enfin pour moi personnellement, mais comme quoi, un tout petit jeu Apex. Apex. Il est sorti plus tard, non? Apex il est sorti en février. Et puis on a eu Conrad the Kitten quand même. Ouais, c'est ça, Conrad the Kitten pour moi. Qui va avoir droit à sa mise à jour. Ah, attendez, c'est pas mal aussi, bande d'enfoirés, c'est moi qui ai fait le test. Et tu vas le refaire. Tu vas nous refaire truc sur la mise à jour, s'il te plaît. Alors, je me suis cogné Honor and Duty quand même. Ouais, bon, c'est vrai. Moi j'ai eu Conrad. Essaye, il s'est tapé Lunar Stone. Hein. Et c'est qui qui s'est tapé Ex Tunnel? On s'en est tous tapé des boosts. C'est qui s'est tapé Ex Tunnel? Le jeu préféré de Sillon. Attendez, je précise, qui a acheté Ex Tunnel? En plus. Oh, oh. Shame. Shame on you. Ouais. Dur. Non, conscience, je voulais le voir. Sacrifice. Voilà, je pense que c'est mon pire jeu PSVR. Ah, on en a. Mais justement, j'ai l'impression que les pires jeux PSVR, ils sont sortis à peu près dans cette période-là. Nul Hearthstone, là, il est sorti à peu près aussi dans la même période. C'est un truc pas fini, quoi. Décembre. Il est sorti un peu plus tard, ouais. Mois de mars. C'est une honte, c'est du vol. Enfin, c'est un truc, ça doit même pas passer dans le PSN, quoi. Mais je me rappelle c'est toi qui avais fait le test. Je me rappelle que tu l'avais bien descendu. Bah, c'est un jeu pas fini. C'est un vieux jeu du début de la VR sur PC. Ah non, non, même pas. C'est que c'est un jeu qui n'est pas terminé. C'est un jeu où, au bout d'un moment, le développement s'est arrêté en plein milieu. C'est le phénomène chapitre 1, c'est toi-même qui en faisais un article. Ouais, sauf que les chapitres 1, en général, ceux dont je parle sur l'article, justement, sont des jeux terminés. Tu vois, Loading Human, chapitre 1, c'est un jeu qui est terminé. The Silent House, c'est un jeu qui est terminé aussi. Il n'y a pas de tard. Là, c'était vraiment codé avec le cul, enfin, excusez-moi, mais c'est du vol. Et je ne comprends pas que ce genre de produit puisse être mis sur le PlayStation Store, quoi. Donc voilà. J'ai un petit peu plombé l'ambiance, hein, je suis désolé, hein, mais je suis énervé. Hein. Non, mais tu peux le dire. Codé avec le cul, oui. Voilà. Juste après Conrad the Kitten, on a eu aussi certains là qui ont dû d'ailleurs il y a dû avoir des pendus de sortir leur jeu, puisqu'on a eu Moss et Blaster of the Universe. Et Blaster of the Universe qui n'était pas un mauvais jeu. Mmh. Non. Non, très bien. Un peu court, mais difficile. En fait, son inconvénient, c'est qu'il est sorti, à côté de Moss. Ouais, c'est ça. Ça lui a fait de l'ombre, je pense. Parce ouais, que... c'est pas les mêmes genres, quand même. Non, mais il y a tellement eu une vague sur Moss que, en plus, je crois qu'ils sont sortis vraiment le même jour, il me semble. Ils me sont sortis tous les deux le même jour. Et il y a tellement eu un matraquage médiatique sur Moss, parce que là, on avait un gros truc. Et parce que c'est marrant, parce qu'on fait toujours référence à The Impatient, Bravo Team et Ark Park. Mais en fait, j'ai l'impression quand il y a vraiment, comme ce qui est en train de se passer avec Astrobot en ce moment, on a eu Moss, on a eu une hype de malade pendant une semaine. Tout le monde finit le jeu et après, on recommence à chialer. Bah, c'était très court, c'est ça. Moss. C'est ça, c'est court. Moss, c'est un jeu très court, très beau. Ouais. Magnifique, mais moi, il m'a laissé un goût amer quand même, ce jeu, parce que je m'attendais pas à ce que ça se finisse aussi abruptement. On parlait des jeux qui sont pas finis. Objectivement, Moss, c'est un jeu qui n'est pas fini. C'est un livre 1. Ouais, c'était pas annoncé, c'est pas vendu comme ça. C'était pas vendu comme ça, effectivement. C'est vrai qu'il aurait multiplié par 3 sur la durée, ça aurait pas été pareil. Et c'est pourquoi Astrobot, à mon sens, il le dépasse. Je suis d'accord avec toi. Alors. Oui, il le dépasse. C'est le point qui fait des. Qui mais le fait, ils sont pas comparables. Enfin, moi, j'ai même pas fait Moss et je vous dis que ce jeu, il est pas comparable à Moss. Ça se voit direct. Quoi tu n'as pas fait Moss? J'ai pas fait Moss, vous pouvez me cracher. Oh là là. Je suis pas très. Mais sors de ton Nautica. Sors ton sous-marin et va faire Moss. non, je l'ai pas fait, mais je compte le faire quand même, bien entendu. Mais c'est pas trop mon style de jeu. Et je pense pas qu'il soit comparable à Astrobot. Astrobot, il joue sur un autre terrain. Et après, je pense que t'as le petit côté mignon quand même qui est là. La souris, elle te fait des petites mimiques. Bah, c'est pareil. C'est exactement pareil. Astrobot, il te fait des petites mimiques, ouais. Il te fait signe. Ça, c'est vraiment très cool. Mais bon, après, je pense pas que ça soit vraiment comparable. Bah pour moi, si, je trouve aussi. C'est complètement la même cam, en fait. Hein. Les puzzles, la dualité avec un petit personnage. C'est pas des puzzles dans Astrobot, c'est de la vraie plateforme dans Astrobot. C'est de la vraie plateforme dans. Ah oui, d'accord. Que c'est comparable. C'est pas vraiment un jeu de plateforme, Moss. Je suis d'accord avec Spanxer. Dans Moss. Dans Moss, les ennemis sont c'est juste pour combler un peu le truc. Dans Astrobot, les ennemis ils sont vraiment là, c'est vraiment de la plateforme quoi. Dans Moss, c'est plus résolution de. On arrive sur un tableau avec un puzzle, une énigme pour ouvrir une porte pour. Et puis, alors temps en temps, moi je veux dire, Most, tu le comparais à un jeu comme Train et Astrobot à un jeu comme Mario. Ah oui, Astrobot, c'est clairement du Rayman. C'est pas le même jeu. Enfin, je sais pas si vous connaissez Train, mais je suis d'accord avec moi, mais c'est un jeu multi déjà. T'as des petites énigmes, tu t'avances, enfin bon, en vert quoi. D'ailleurs, il serait génial en vert, celui-là aussi. En 2D. Train, il est vu de côté en 3D, mais. Oh, c'est faisable, faisable. Ouais, il pourrait faire un petit effet. Bon, on va avancer un petit peu, du coup. parce que il y a encore quand même pas mal de choses à voir. Bravo Team, est-ce qu'on en parle ou vite fait. Ou est-ce qu'on le laisse dans la fange? Déception. Et encore une fois, un pilier qui a sauté et un autre pilier qui n'était pas attendu, c'était Knockout League, qui est venu en soutien un peu parce que Bravo Team. Je me rappelle, on avait fait quelques lives avec Herbie, avec Pierre, avec Cyril. Et on lui mettait 4 sur 10, 5 sur 10 quoi. Et encore, je pense qu'on était gentils. Et toujours le même problème d'échelle, hein, parce que des types ils font 3m50. Hein. Mmh. Ouais. T'as des gros bras dedans. C'est ça. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de Bravo Team quoi. Je pense qu'il y a déjà tout qui a été dit, hein, parce que justement niveau médiatique, il a tellement été pilonné dans tous les sens que voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus. C'est le mauvais cheval. Sony a parié dessus et non mais c'est clair qu'ils ont eu une pression parce que quand tu vois les deux jeux, enfin ils ont Until Dawn, il est vraiment génial hein, ce jeu, et Rush of Blood c'est parfait, il est vraiment bien réalisé pour un rail shooter comme il est, les échelles sont bonnes, c'est efficace, c'est beau, enfin, je sais pas. Ouais, ça sent le coup de pression de Sony à la fin de la fin. C'est clair qu'il y a eu quelque chose. C'était pour l'aime. Ils l'ont sorti pour l'aime. Ils ont dit vous nous faites maintenant un jeu avec l'aime. Ok. Voilà. Mais on a fait The Impatient. Oui, surtout que c'est pas leur style de jeu. Surtout que c'est pas leur style de jeu. Et sort carrément de leur contexte. En plus, ouais. Non, et puis on a eu donc le début mars Drunken Bar Fight, un défouloir mais bon, pas exceptionnel, ex-tunnel, Bravo Team, grosse déception. Derrière, on a eu The American Dream qui était pas terrible non plus, Happy Drummer, c'est un petit truc facile percussion, on a eu Lunar Stone. Ouais. Audio Beats et Arc Park. Et ça s'est tout enchaîné là. Et on a passé quand même, on a passé tout le mois de mars. C'était un peu le creux de la vague. Hein. Là, c'était un petit peu là, entre désillusion et jeu vraiment moyen. Stop. Il y a eu le patch de Wipeout. C'est un petit peu après ça, Arc non Park. C'était un petit peu après Arc Park, ouais, il me semble. Ouais. Juste après. On peut y aller. Hein. On peut en parler parce qu'ils l'ont annoncé quand même quand en décembre. 28 mars. À la PlayStation Experience, non? C'est quand? Arc Park, c'était le 22 mars. Non, je veux parler de Wipeout parce qu'on va passer à Arc Park. Ils l'ont annoncé à la PlayStation Experience. En décembre. Ouais. Et il est sorti quand? En avril, c'est ça? 28 mars. Donc voilà, là ils nous ont prouvé Sony que d'un coup ils peuvent nous faire des miracles. Quoi. Ah ouais, vraiment, on peut vraiment parler de miracle, hein, parce qu'en plus, pour adapter Wipeout, qui est un jeu quand même qui bouge bien, qui te retourne un petit peu la tête, même en écran plat, et qu'ils aient réussi à trouver justement une façon d'adapter la vue avec le cockpit, là, sur avec le petit balancier, le petit mouvement, en fait, où on reste quand même assez stable par rapport à la piste, justement pour pas être malade, c'est rapide, c'est beau, ça fonctionne. C'est full compatible. Et full compatible. En plus, ouais. Oui, full compatible. Et gratuit et développé en 2 ans, je crois, avec une équipe de 5 personnes, dont 3 personnes à la production. C'était quelque chose comme ça, il me semble. Je crois que c'est 9 mois au bas mot. Oui, c'était un an. Ouais, 9 mois. Ouais. Mais un gros bébé. Super surprise et enfin un autre gros jeu incontournable qui est arrivé. On avait eu Preta qui nous a fait sortir un peu de Arc Park. Juste un petit mot sur Arc Park quand même parce qu'il faut que j'en parle de celui-là, il m'a traumatisé. Encore une fois, quand tu vois les trailers avec 50 dinosaures, un parc complet avec la gamine qui caresse le dinosaure et quand tu vois le jeu, mais tu te dis mais c'est quoi cette merde, cette bouillie de pixels. Il nous a fait rêver. Entre temps, il y a eu des mises à jour, ils l'ont amélioré, mais bon, le mal est fait quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir sur la note. On lui avait mis 3 sur 10, depuis le patch, on va lui mettre 4, et puis voilà. 5. Moi, je voulais pas en parler parce que, enfin, franchement, je l'ai vraiment attendu. Hein. J'en parlais tout le temps. Hein. Tu peux demander à Sei. Enfin, vous pouvez demander à Sei. J'en parlais tout le temps. Je l'attendais vraiment, vraiment, vraiment. Moi, si je vraiment voir des dinos en VR, ouais. Quoi. Enfin, et quand j'ai vu que ça sentait mauvais, les téléportations, pas une seule. Enfin, vraiment, tout allait mal, quoi. Et puis, j'ai vu ton test, tes retours. Enfin, et puis, voilà. les foutages de gueule. Vraiment avec... dégoûté, hein. Mais vraiment, le tableau où t'arrives, tu vois une map, et tu vois une map, en fait, avec des tracés, avec ta montgolfière, et puis tu vois une flèche qui fait que tu dis, putain, la montgolfière bouge. Et tu restes une heure à essayer de rentrer sur cette putain de montgolfière qui n'est qu'un élément de décor et tu ne peux rien faire. Après, ils ont fait des mises à jour hein, où tu peux t'en décoller avec ta montgolfière, mais c'est imagine les gens qui ont payé 50 balles qui se retrouvaient avec le jeu en 3 heures, ça fait le tour. Hein. En fait, il y a une différence avec la version PC et puis ils vont mettre des DLC payants. Le premier, c'est gratos. Et voilà. Donc énorme déception. Ouais. Et puis c'est les dinos, mais c'est de la modélisation de Nintendo 64 quoi. Ils ont des mâchoires carrées, ils ont des dents, c'est des rectangles, c'est des triangles. Tu t'approches des textures, c'est dégueulasse. Bon allez, c'est bon quoi. Ça a évolué depuis Time Crisis hein, les textures. C'est dommage. Prêta une belle ambiance. Mais un peu toujours sur les mêmes tons de couleurs. On reste toujours très. C'est bien pour les gothiques et les dépressifs. Ouais. J'aime la mort. Voilà. Prêta, oui. Je mets des lentilles blanches et je joue. Faut aimer Diablo, je pense aussi. C'est ce type de jeu, non Prêta. Mais c'est un bon jeu, Prêta. C'est un Diablo en VR. Mais il a l'air bien, hein, mais. Très bon jeu. Très long en fait, allons pour farmer, c'est un peu pénible. Et chiant, chiant pour farmer, mais ça a été corrigé un peu parce que ça en devenait débile d'ailleurs. Quoi, vous voulez dire comme Firewall? Un petit peu, c'est vrai que Firewall, la vache, hein, faut être patient, hein. Il est bon. Hein. Ouais, mais quand tu seras level 50, t'auras plus rien à acheter. Eh ben, ils auront fait un DLC et ça sera capé à level 70 et que voilà, rebolote, hein, qu'est-ce que tu crois? À mon avis, ils vont pas le laisser crever comme ça leur jeu. Hein. Non. C'est sûr et certain. Mais avant ça, avant Firewall, qu'est-ce qu'on a encore? Eh ben, on avait Crisis on the Planet of the Apes, Time Carnage, et faut se remettre quand même dans le contexte. On sortait quand même on était dans le trou. On a eu Wipot quand même qui nous a bien soutenus, on a vu la lumière. Et après, je pense qu'on, tu vois, même un Time Carnage, on disait putain, c'est pas mal en fait. Time Carnage, il est fun. Hein. Enfin, moi, je l'ai testé. Ouais. Et moi, je me suis jamais dit les web shooters, faut que je les descende. C'est un style de jeu. Il faut le prendre comme un style de jeu. Il faut pas se dire c'est un web shooter, c'est de la merde, tu vois. Il y a des web shooters qui sont bien. Et c'est un web shooter qui est fun, et oui, il est sorti au bon moment parce que c'était le creux et il proposait un contenu pour tous les web shooters que j'avais fait. Il proposait le plus gros contenu avec des univers différents. Tu butais des dinos, des zombies, enfin, franchement, c'était fun. Après, voilà, c'était un web shooter. On l'a bien noté et c'est pas un mauvais shooter. C'est moi qui avais fait le test et je l'ai bien aimé. Voilà, donc je l'ai noté en conséquence et il était pas dégueu. Et pour l'époque, il est bien tombé parce que c'était une époque où oui, il y avait pas grand chose. À cette période-là, moi, après Wipeout, j'ai un peu changé, c'est-à-dire les petites expériences, tout ça, c'était bien pour la première année, mais on a tellement la dalle en VR que peut-être que nos critères sont un peu rabaissés, quoi, quand même. Et donc j'ai dit stop, j'ai dit bon, les petites expériences de 10 balles, maintenant j'arrête. Et j'essaie de vraiment choisir ce qu'il y a vraiment de mieux et pas perdre mon temps, et j'ai pas beaucoup de temps pour jouer sur des toutes petites expériences, même si il y a toujours des perles hein, quand même. Hein. Ouais, y a des petites expériences qui sont très bien. Mais c'est intéressant ce que tu dis, ce que tu viens de dire quand tu dis on a la dalle en VR. Pour Sony, ça doit vraiment pas être simple à gérer cette situation de sortir sur le catalogue des jeux qui finalement ne durent que 2 heures. un joueur, il veut des jeux. Sur console, il va se faire son God of War pendant 20 heures. Il aura du contenu pendant un mois. Il va avoir ses 20 heures, ses 30 heures. Là, en VR, tu tapes des expériences. Tu payes ton jeu. Tu dis tiens, je vais me balancer 20 balles. Je vais me faire plaisir. Je vais me faire un petit jeu. Le soir, il est fini. Le lendemain, tu retournes sur le catalogue. Tu dis alors, il y a quoi maintenant? Ah merde, ouais. celui-là je l'ai fait. C'est des jeux en général, ils n'ont pas beaucoup de rejouabilité, ils sont pas trop multi, donc c'est facile. C'est là où ça faisait du bien que Wipeout arrive, parce qu'au moins on s'est dit c'est du contenu quoi, on va pouvoir avoir à bouffer pendant un petit moment quoi. Après, il y a quoi d'autre qui est sorti Killing Floor Incursion. Il y a Killing Floor aussi, qui était vraiment, vraiment cool. Bien. Et puis, on parlait des autres jeux qui étaient bien optimisés au PS Move. Celui-là se joue plutôt bien au PS Move. Donc, il est vraiment cool. En plus, en coop, tout à deux, toutes les campagnes, toute la campagne. Plus le mode survie qui est cool aussi. En cette période, on commençait à être à nouveau un petit peu optimiste justement sur la suite, justement avec des adaptations comme ça. Killing Floor, c'était un jeu qui avait cartonné sur PC notamment. Ouais. Qui avait pas tant cartonné que ça. Le premier, moi j'avais plein de potes qui étaient. Tu me parles de la licence originale. La licence. Le 2 a explosé. Hein, c'était le pendant Left 4 Dead, mais voilà pour les hommes quoi, en gros. Et voir des expériences comme ça, des expériences même des jeux, des adaptations sur le PSVR de licences qui ont une très très bonne réputation. Enfin, moi j'ai commencé à me dire finalement ça peut reprendre un petit peu quand même. Et surtout que je tiens à te dire que Tripwire justement, Sion, tu peux confirmer, ils ont remis ça. Enfin là ils sont en train de préparer un nouveau jeu VR. Comment il s'appelle déjà? Ouais, il y a aucune confirmation sur le support VR. C'est un jeu d'infiltration à la Metal Gear, hyper moderne, en vue à première personne. Super cool. Hein. Et vachement basé sur le son. Et c'est Aspyr, ou je crois que c'est ça le nom. C'est ça. C'est ça, hein, je crois. T'as un grappin, donc c'est un jeu qui se jouerait au Move à ce moment-là. Mais il y a aucune confirmation. On ne sait pas sur quoi c'est, donc voilà, on verra. On va attendre un petit peu. Mais ça veut dire qu'ils sont dans la VR. Ouais, c'est le principal, c'est cool. Déjà. On a aussi Cool Paint VR. Cool Paint VR. Qui est sorti aussi, qui justement là c'est pas une expérience, c'est pas vraiment un jeu, c'est mais c'est une application, une application dire, graphique. Dessin. Espagnol. Donc je l'avais testé celui-là, pas mauvais. Il manque des petites choses. Au niveau des lissages, on peut faire des choses, mais c'est toujours à grand coup de, on va dire, on balance des gros morceaux de peinture, et puis on n'arrive jamais à faire quelque chose de précis. On peut pas lisser une forme, on peut pas. Mais par contre, il y a déjà une bonne base pour. C'est déjà super impressionnant de se retrouver dans un monde virtuel et puis de pouvoir faire une construction. Quand on aime le dessin, quand on aime la sculpture ou des choses comme ça, c'est déjà une bonne base. Alors c'est pas comparable non plus avec ce que, à mon avis, va être Dreams. Mais en attendant, on a que ça. Et bon, maintenant il y a Sculpt VR aussi. Mais c'était une bonne application qui sortait. Ça valait le détour. Ouais. C'était autre chose en fait. On n'avait pas vraiment l'habitude de voir ce genre d'application. C'est destiné vraiment, par contre, à des gens qui sont déjà bien branchés sur la sculpture, la peinture, le graphisme. Ouais. Sinon, c'est vrai que quelqu'un qui va faire deux traits et puis au bout d'un moment, il va se dire. Depuis que j'ai Cool Paint VR, j'ai jamais réussi à faire aussi bien que Laurent dans les 5 minutes avec son avec ton zombie. C'est ouf, c'est tellement simple. Vous pouvez voir le test d'ailleurs sur VR Player. Il y a une vidéo où Laurent montre son dessin et c'est déjà autre chose. Mais c'est sympa. C'est une nouvelle expérience, hein, parce que d'habitude t'es sur une feuille ou sur une palette graphique ou sur et puis là tu te retrouves complètement libre à faire quelque chose qui est complètement irréalisable dans la réalité. Tu vas faire des tracés en 3D, tu te tournes autour, tu peux zoomer dessus, tu peux y aller en détail, c'est vraiment super quoi. Je pense aussi, c'est surtout au niveau des une fois que t'as fait ta création, de pas te limiter à une image à la limite de ce qui m'a manqué dans ces logiciels, c'est de pouvoir exporter dans des formats 3D objets pour pouvoir les récupérer sur une autre application pour je sais pas faire des animations ou des choses comme ça. C'est très fermé. Et je pense que c'est Sony qui veut ça. Hein. Je consulterai leur site parce que je suis pas sûr que tu puisses pas exporter ça quand même d'une manière ou d'une autre. On en avait parlé quand j'avais fait le test avec les développeurs. À l'époque, on pouvait pas, mais ils m'avaient bien dit qu'ils étaient en train justement de. Alors, je sais pas depuis parce que entre temps, il y a eu d'autres jeux, donc je suis pas revenu dessus. Je leur avais dit clairement, je leur avais dit, c'est dommage qu'on puisse pas s'ouvrir à récupérer les fichiers 3D sur une clé USB sur la PS4 et de pouvoir s'en servir après sur un autre logiciel 3D. Ça serait super intéressant parce que non seulement tu t'éclates et puis après tu peux te servir de tes compositions pour un titrage dans une vidéo. Ça peut être super sympa. Après, Animal Force, To The Top. Ouais. Déjà. Animal Force, ouais, To The Top. Déjà, Along Together aussi. Et au 20. C'était vraiment cool. Along Together, qui était pas si mal aussi. On l'a pas vu venir, lui. Un peu court, mais vraiment sympa. C'est toi qui l'as testé, non ? C'est moi qui l'ai testé, ouais. Il m'a fait un petit peu penser à Amos, en fait. C'est, je le comparais, justement, je le compare plus à Amos, celui-là, qu'Astrobot. Avec des énigmes trop courts. C'est son seul défaut, c'est qu'il est trop court. Mais sinon, c'est un plaisir à parcourir. C'est joli, c'est ultra net, même sur PS4 classique. Et vraiment une bonne cloche. Ouais, il me tente bien celui-là. Oh, il est mignon. À l'occasion. Tu prends pas de risque hein, quand tu prends celui-là. Voilà, il faut voir le prix après, mais. Mais ouais, vraiment bonne pioche. En promo à l'occasion, ouais. Voilà, exact. Il y a eu le 19 juin Kona. Alors là, l'histoire est rigolote, Kona, parce que c'est, j'en avais parlé au tout début, des tout débuts de VR Player. C'était même pas VR for Player, il n'y avait pas le 4 à l'époque. Et puis, il n'y a plus aucune nouvelle. Et même les développeurs, il n'y a plus personne qui répondait. J'ai cherché de partout, je ne trouvais plus aucune info. Donc au final, je l'ai retiré de la liste des jeux en développement du site. Et boum, il tombe. Et je dis, bah merde, j'ai viré la fiche, j'étais obligé de la refaire. Bah voilà. Comme quoi, c'est en perpétuelle évolution, quoi. Et ouais. Compatible. Qui est pas mal aussi, à flou, moche, mais. Ouais, au niveau de l'image, il est pas super c'est net. C'est un peu craspec, hein, même si c'est, ça se passe avec des grosses zones de blanc, ça reste pas terrible. Voilà, pareil, c'est on en a zappé un, c'est Obduction. Non, mais on a fait exprès. On doit pas en parler de ça, non ? Tu sais, au briefing, on s'est dit qu'on parlait pas de ça. Eh ben, après le traumatisme Arc Park et compagnie, Obduction, c'est un truc que j'attendais parce que moi j'adore Myst. Ouais. Même sur PC, parce que j'avais fait les Riven, il y avait le 3 Exile aussi qui était excellent. J'adorais, en VR, c'est le jeu qui était fait pour la VR. Quand c'est sorti, téléportation, une image merdique, il y a la totale, je crois. Il y a tout ce qu'il faut pour le jeu pour t'en dégoûter. Au final, je crois qu'on n'a même pas fait un test dessus parce que il allait se prendre un 2 sur 10. Et puis le PSVR avait pas forcément besoin de ça non plus encore, de se prendre encore parce qu'il était très attendu. Le jeu de base est bon, hein, c'est juste la retranscription sur PSVR qui est dégueulasse en fait. Hein. Mais ce qui est fou, c'est que nous personnellement maintenant, on connaît bien la VR et Obduction, c'est pas un jeu que je me ferais sur l'écran. Quoi. Il serait en VR, j'aurais passé mes nuits dessus. Et là, j'ai pas envie de le faire sur un écran plat. Quoi. Du coup, je le zappe. Et ben on le zappe alors. Parce que du coup, il y a aussi Esper aussi qui est sorti un petit peu plus tard. Dans le style aussi puzzle game. Qui est pareil, trop court, comme beaucoup de jeux qui sont sortis pendant cette période et qui continuent de sortir derrière encore. Mais qui a une bonne ambiance, qui est une ambiance un petit peu à la Portal 2. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment dessus, ça fait réfléchir et ça fait du bien. Comme quoi, il y a vraiment des familles de jeux VR. Hein. L'horreur, le wave shooter, le Pulse, le sportif en même temps. Qui est en train de monter. Ouais, moi les Pulse, ça me gave. T'aimes pas ? Non, ça franchement, j'aime bien de te poser justement, d'aller à ton rythme et de pas forcément avoir un zomblard qui te court après. Moi j'ai beaucoup aimé Sea of Memories. Hein. J'ai vu qu'il a pas été très bien accueilli. Il est pas assez. Voilà, c'est zen quoi. C'est très simple, mais c'est zen. Tu te balades sur ta petite barque, tu vas sur la mer, tu découpes tes souvenirs en faisant des puzzles. Quoi. Ça, c'est... c'est ça. Il en faut, hein. Oui, bah, il en faut pour tout le monde. Ouais, ouais. Moi, je pense que globalement, on peut dire qu'il y a quand même vraiment pour tous les goûts quoi, sur PSVR. Oui, et puis même entre nous, hein, y a des jeux que, bah, tu vois, tout à l'heure, je parlais de Robinson, je crois que Cyril a beaucoup aimé. Là, vous êtes au moins trois à ne pas avoir du tout aimé. C'est vrai qu'on sera nous-mêmes on sera pas d'accord sur la note qu'on donne sur un test, c'est la note du testeur, mais c'est sûr que si on met un 9 sur 10 à un FPS et que le type achète ça qui aime pas les FPS, Eh bah oui. Mais en même temps, s'il sait lire, il sait sur quoi il tombe. Hein, voilà. Parce qu'on le répétera jamais assez, hein, faut lire les tests. Hein, si on les écrit, c'est pas uniquement. Oui, il faut pas s'arrêter à la note, parce que la note finalement. Ça donne un aperçu, mais au final, il vaut mieux lire le test que regarder la note. Ça, c'est sûr. La note, finalement, dans un test, c'est pas forcément le truc le plus représentatif. Hein. À chaque fois, je sais que moi, c'est un casse-tête pour mettre une note parce que ça ne retranscrit absolument pas le ressenti que tu as eu dans le jeu. C'est ça. Tu peux avoir, par exemple, sur un Obduction, avoir un très bon jeu de base, mais tu vois, qu'est-ce que tu testes en fait ? Est-ce que tu testes le fond du jeu qui est bon, ou est-ce que tu testes. Où est-ce que tu notes l'adaptation en VR qui est dégueulasse, le ressenti, l'immersion. Le problème, c'est que si tu prends pas de plaisir et que le gameplay est dégueu, comment tu veux noter bien le jeu, enfin, dans le cas d'Obduction en tout cas, je pense il y a que toujours c'est un truc de rares exceptions près, dans un jeu t'as toujours en fait un fond, faut que les deux aillent ensemble dans le fond. En même temps, un jeu VR, c'est ça, faut qu'il soit bien adapté. Ouais, moi quand j'avais testé Chess Ultra, j'avais noté le jeu vert, quoi, et je lui avais mis 4,5. C'est ce qu'on fait, hein. Alors que le jeu sur écran plat, il aurait eu beaucoup plus que ça. Bon, s'il y a des gens qui nous découvrent maintenant et qui vont sur notre site et qui sont habitués à la PS4, ils vont certainement sauter au plafond quand ils vont voir qu'on a mis un 2 ou un 3 sur 10 à Tekken 7, mais on parle uniquement du mode VR. Mmh. Pareil pour GTA Sport. Ah oui, parce que le jeu est très bon à côté. Voilà. Est-ce qu'on bat, il méritera peut-être un 8 sur 10 ou un 9 sur 10. Nous, on va noter uniquement la version, la partie VR du jeu. The Persistence et Detached. Oui, alors The Persistence, c'est celui qui. On va dire c'est la nouvelle vague, c'est les nouveaux jeux de bonne qualité, c'est des moyennes productions, mais qui... Ils sont sortis tous les deux le jour de mon anniversaire, en plus. Oh, c'est beau. C'est mignon. J'avoue que c'est mignon. Et c'est des jeux qui sont propres, qui sont efficaces, dès qu'ils sortent, ils sont bons, quoi. Ouais. C'était pas gagné d'avance. Hein, vous rappelez la démo de The Persistence? Ah, je me souviens, oui. Ouais, quelle horreur. Enfin, c'est très bien. Ah, moi, j'ai pas du tout aimé. Ah, pareil. Alors que finalement, une sacrée bonne surprise. Ça fait partie maintenant des références bon jeu. Cette deuxième année, en tout cas, du PSVR. Detached, pareil. Ouais. C'est une expérience vraiment unique, en fait, au niveau de du sentiment du manque d'apesanteur. C'est des jeux efficaces, quoi. Et là, on commence justement. Il y a une bonne vibe en fait justement à partir de ces jeux-là sur les sorties sur PSVR. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, on est dans la bonne pente. Hein. Enfin, on est dans le bon. C'est à partir de là que je pense qu'on a vraiment une belle période là. Mm-hmm. Et ça continue justement. Ça continue. Ouais, le problème c'est qu'elle continue. Faut qu'elle continue comme ça. Enfin, pour le moment. En tout cas, on a encore Blood on the Roots qui est annoncé et qui va déchirer. Ça, c'est sûr et certain. Celui-là, il va être vraiment bien. Mmh. Et Borderlands. Mais quels sont les gros titres? Après, je pense qu'il y aura de nouveaux titres au début de l'année. De toute façon, ils vont nous surprendre. C'est sûr. On devrait avoir quelques annonces avant la Paris Games Week. Elle démarre quand fin du mois, la 29 octobre. C'est dans une semaine, je crois. Si ça se trouve, la semaine prochaine, ils vont nous en annoncer 2-3. Hein. Comme ils ont fait pour le 3. C'est PSVR, c'est l'horizon est toujours très obscur. On ne sait jamais ce qui va se passer dans 6 mois, même dans 3 mois. Là, Borderlands, il a été annoncé 2 mois avant. Hein. Enfin, même au niveau des dates. Hein. On te balance une date. Après, ils te disent finalement, c'est reporté 3 semaines. Finalement, c'est fluctuant. Six mois. C'est fluctuant. Même en 24 heures avant la sortie. Borderlands, ils s'en souviennent de leur coup. Il ne sera pas reporté. Par contre. Et il ne sera pas grand téléportation. Ouf. Heureusement. C'est écrit noir sur blanc sur leur site. Et ça, c'est un joli coup. Hein. 2 semaines avant Noël, enfin 10 jours avant Noël, très très joli coup. Mais dis donc, les gars, là c'est après. là, vous commencez à partir un petit peu trop dans le turfu. On a parlé de Dictation, on a parlé de Persistence, The Perfect Sniper, Electronauts, on a eu aussi Code 51, ouais. Dominecraft, ouais. Torn, on peut en parler un peu, et Firewall. Torn, je l'ai pas, je l'ai pas, celui-là, il me dit bien, je pense que je me. Je l'ai pas testé, Torn, je sais plus qui c'est qui l'a testé chez nous. C'était pas Irish, non? Je sais plus. Je l'ai pas testé, et c'est peut-être le genre de truc que je testerai bien, par contre. Pareil. Bah, Torn, il a l'air, très intriguant et très joli. Bah, graphiquement, déjà, même au niveau de l'ambiance, c'est le genre de truc qui me plaît. Ce qui me fait peur, c'est l'aliasing. Herbie a fait une vidéo dessus. Et on en avait discuté, je crois qu'il avait dit qu'il y avait un peu d'aliasing quand même. Ouais, mais du côté, enfin, vraiment des côtés les plus lumineux. Un petit patch PS4 Pro, peut-être, comme ça me ferait. Il est peut-être déjà compatible PS4 Pro, il est peut-être déjà optimisé. Mais c'est des jeux que je mets de côté et que je me ferai à temps perdu. Là, pour l'instant, il y a tellement eu de sorties. Astrobot, je veux le décortiquer et tout, mais si je vois qu'il y a une période un peu plus creuse, je reviendrai sur des jeux comme ça. Ouais, en promo. On va mettre de côté. Ouais, tout à fait, typiquement. Ouais. Catch and Release aussi, c'est un jeu de PES que j'aimerais même faire à l'occasion aussi. Parce que d'ailleurs, le système des soldes du PSVR, c'est assez particulier. Toutes les 2 semaines, il y a des soldes. Et puisqu'il n'y a pas un parc énorme de jeux comme sur PS4 ou PS3, on tourne sur 150, maintenant 250 jeux presque. Finalement, ça revient assez souvent. Et 240. T'as du 20%, 30, 40, 50, 60%, même plus. Il faut vraiment sauter sur l'occasion et attendre que le jeu qu'on veut acheter soit vraiment en promo pour l'avoir pour le coup, mais pas cher du tout. Et là, tu peux mettre moins de 10 balles dans une expérience de 2-3 heures. Hein. Ça l'est beau. Hein. Oui, bah oui, carrément. Ah, c'est bon, clair. Firewall, du coup, je pense qu'on a déjà suffisamment parlé dans la dernière émission. Bon, Firewall, parlons-en. C'est un jeu pourri, l'intérêt de personne, d'accord. Il faut que je donne mon avis sur Firewall, parce que j'étais en vacances. Quand je suis rentré de vacances, tout le monde était à fond sur Firewall, sauf qu'ils étaient tous niveau 40, et moi, du coup, j'ai dit, je vais me faire dévisser. C'est pas vrai. Je vais pas y aller, parce que je vais me faire dévisser la tête. Bon, et la VR, alors, c'est... Parlez c'est... de Firewall, parce que vous êtes tous... C'est le skill qui compte. J'ai pas envie de servir de lapin, moi. Lapin. Mais viens, faut pas avoir peur comme ça, t'inquiète. La première bastos, c'est la plus douloureuse. Vous allez me faire que du mal, je vous connais, vous allez me faire que du mal. Ils vont se marrer, ils vont me tirer dessus comme à la fin. Tu seras avec nous. On te protégera. Tu allais me gueuler dessus en disant putain, il est nul, il est en train de nous faire perdre. Non, ça, il y a une bonne ambiance sur ce jeu là, donc en général, même ceux qui ont un petit peu de mal, en général, sont pas insultés directement. C'est plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'on a eu après La communauté VR est assez mature, au moins. C'est vrai que c'est bon enfant, surtout sur PSVR. Un jeu petit comme ça. C'est agréable. Ouais, tout à fait. Transférence, il y en a qui l'ont essayé celui-là. Alors, lui aussi, je ne l'ai pas fait. Je ne sais plus qui a fait le test chez nous, mais ça, c'est un truc que je vais me faire. Alors, il est cher, il est court. Il est bon. Moi pareil, c'est ce que je dis toujours, je suis capable d'aller me taper un Blu-ray de Game of Thrones 50 balles la saison ou un DVD de Star Wars à 30€ les 2 heures de film. Si c'est de la bonne VR, je suis capable de débourser 25€ pour 2 heures de VR si vraiment c'est bien, quoi. C'est quelque chose que je ferai, ouais. D'accord. Nursing Mars 2 aussi, donc il y a le test sur le site. J'en ai déjà aussi parlé pendant la dernière émission. Dark Eclipse aussi, dans les sorties notables. Alors Dark Eclipse, moi, c'est le graphisme de tous les visuels qui me donne envie de vomir à chaque fois. Qui est surchargé, tu sais pas trop ce que tu vois. Ah, c'est clinquant, quoi. C'est c'est même pas du manga, ça, c'est de la BD américaine, c'est du comics. comics américain avec des couleurs la police de Dark Eclipse déjà me fait vomir d'entrée. Mais voilà, déjà le visuel il m'accroche pas. Tu vois, j'aurais aimé un truc beaucoup plus sobre, beaucoup. C'est pas lisible, je trouve. Il y a tellement de choses dans le visuel que tu sais plus ce que tu regardes. Quoi. Ouais, bah il est gratos. C'est il est gratos, ouais, c'est vrai. Oui, c'est une question de goût. Ça, c'est pas. Je le testerai par curiosité, mais disons que voilà, il y a le visuel qui m'a choqué tout de suite. J'ai dit putain, wow. Avec la police toute pourrave de Dark Eclipse, le salon bré derrière pour essayer de décrocher les lettres du fond. Le fond, c'est un tas de couleurs dans tous les sens. Enfin bon, bref. Creed, Rise to Glory, le jeu Creed, box de Survios. Pierre ouais. Et Cyril se sont battus longtemps. Ouais, très sympa, très très. Ça défoule bien. C'est un jeu d'arcade. Voilà, il y a un test aussi, vidéo. Voilà, un petit jeu sympa. 25€, je crois. Une bonne pioche encore. Et donc Astrobot. Et ben justement, donc la transition est toute trouvée. Bon, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ces deux ans. On en a oublié plein. On peut pas parler de tout. Hein. Récemment, il y a Racket Fury, récemment Evasion, voilà. Astrobot, Casa Demo qui est sorti hier. Pourquoi sortir une démo à Astrobot? Parce que tout le monde doit l'avoir, mais c'est pas vrai, tout le monde ne l'a pas, et il y a encore des gens qui doutent, et encore ce matin sur le site, il y a quand même sur le site ou sur la chaîne YouTube, je sais plus, qui a laissé un message qui disait que c'était pas du tout son style de jeu, il a essayé la démo et finalement il va se le prendre. Bah voilà. Donc enfin, tu vois, voilà. Il est rentré dans le droit chemin. Voilà. Bah, disons qu'Astrobot, oui, Astrobot, c'est l'intégralité du catalogue depuis deux ans, on a trois perles. À mes yeux, c'est Resident Evil, Astrobot et Moss. Il y a d'autres très bons jeux dans les 10 premiers, dont Wipeout, dont tous ces jeux-là, quoi. Mais Astrobot, c'est vraiment un bon jeu, quoi. Un bon jeu. Alors, justement, on va en parler. On va en parler. Donc les deux ans du PSVR, on a déjà bien fait le tour. On va parler du coup des jeux du moment. Et effectivement, est-ce qu'on peut parler des jeux du moment sans parler d'Astrobot? Non, je ne pense pas que ce soit possible. Donc du coup, mon petit Laurent, tu vas nous présenter ce jeu. Astrobot, donc développé par l'équipe d'Azobi, qui est une filiale de Japan Studio, de Sony. Le truc qui m'a frappé tout de suite sur Astrobot, moi, c'est qu'à mon avis, ils ont pas, c'est pas des petits développeurs, des studios indépendants qui se sont dit, ah, on a la VR, on va développer sur notre PC avec un Vive et on va l'adapter sur PSVR. Là, les mecs de l'équipe Azobi, ils sont Sony, ils ont posé sur la table, ils ont fait un cahier des charges, ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec le casque? On a un micro, on va souffler. On va souffler dans le jeu pour faire quelque chose. On a telle possibilité avec le casque de, et on va tout essayer. Et ce qui est impressionnant dans le jeu, c'est que aucun niveau ne se ressemble. Visuellement, ils sont très variés niveau couleur, mais surtout qu'il y a énormément de bonnes idées qui sont balancées un peu à partout. À chaque niveau, t'as une nouvelle idée de gameplay. Du coup, tu évolues avec le jeu. Tu commences par le jeu. Ceux qui vont avoir la chance d'essayer, qui vont faire le choix de faire la démo, ils vont dire que déjà c'est pas mal les premiers niveaux. Déjà, t'en prends. T'as toujours le rapport d'échelle que t'offre la VR quand t'es face à un King Kong. Et ben c'est un King Kong qui est gigantesque. Donc t'es là, tu dis waouh, putain c'est immense. Quand t'es face à une falaise, et ben t'as le vertige. Enfin, ceux qui sont moins habitués à la VR ont le vertige. Et derrière, tu vas avoir des petites surprises. Quand tu vas être sous l'eau, tu vas avoir ton astro qui va se coller à ton masque ou qui va te faire des petites mimiques ou des petits wouhou, des petits machins comme ça. C'est excellent. Et puis, un gameplay qui évolue en permanence avec une DualShock qui est intégrée à la VR et qui est multifonction comme un couteau suisse. Un coup, ça va être un jet d'eau, un coup, ça va être un grappin, un coup, ça va être un pistolet de paintball. Enfin, tu vas pouvoir le transformer en des tas de choses. Et du coup, tu t'ennuies jamais parce que tu te dis qu'est-ce qu'ils vont nous faire sur le prochain niveau. Et quand j'ai démarré le test, j'ai fait peut-être les trois premiers mondes. Et puis Herbie avait un peu d'avance sur moi dessus. Je lui disais, il y a encore des surprises derrière. Et il me disait, oui, t'inquiète pas, derrière, il y a encore des surprises. C'est même encore mieux. Allez, je continue. Et ce qui est fou, c'est que on sait qu'il y a certains développeurs qui n'ont pas forcément des gros budgets en développement, qui vont tout miser sur les deux, trois premiers niveaux, justement parce qu'ils vont être notés sur ces trois premiers niveaux, parce qu'il y a énormément de testeurs qui font pas les jeux en entier, et qui derrière, la fin du jeu, ça s'étouffe un peu, ça c'est devient redondant, chiant. Au voilà. mieux, c'est redondant, quoi. Et Astrobot, bah, c'est pas le cas. Astrobot, on le fait d'un trait et on a encore des surprises, même au monde 5, même au niveau du requin, on a encore des surprises, c'est chouette. Au niveau des textures, c'est super. Alors ça aussi, les textures, je veux remettre le doigt dessus, parce que Astrobot, c'est quand même un jeu qui a une apparence ludique, dessin animé, enfantin. Par contre, au niveau des textures, c'est pas du tout enfantin. C'est là où ils sont très forts, c'est que les textures, parfois, elles sont criantes de réalisme. Je pense à l'eau, je pense à des textures de roches, des textures d'arbres, de troncs d'arbres, de bois. Et y a quand même un aspect jeu ludique, un dessin animé, mais avec des textures plus à la Pixar, d'un bon dessin animé. Un peu réaliste. Plutôt réaliste. Les ciels, c'est des vrais ciels. Les effets de fumée sont superbes, les effets d'éclairage sont superbes, ça alias que dalle. Astrobot, en fait, c'est le jeu à faire tester, je pense, à quelqu'un qui ne connaît pas encore la VR, parce qu'il y a tout dedans, quoi. Après, on va entendre sur internet des gens qui vont dire ouais, mais le PSVR, c'est l'image, elle est dégueu. C'est sûr que vous mettez quelqu'un sur Arc Park, le type, il va dire ouais, d'accord, je parle d'avant la mise à jour, hein, mais. Ou sur Obduction, vous le mettez sur Astrobot, le type il va dire waouh, c'est la classe, quoi. Ah oui, il est optimisé aux petits oignons, celui-là. Ah oui, il est vraiment très beau, il est varié, il est long. Là où on parlait tout à l'heure de Moss, qui est un peu moins cher, mais qui va être fini en 5 heures et qui n'est qu'un premier livre. 3 heures, voilà. Ouais. Astrobot, il y en a qui parlent de 12 heures. Moi, perso, je resterai encore plus longtemps que ça, parce que c'est comme. C'est un Rayman. Hein. On dit un Mario, c'est un Rayman. Dans Rayman, il y a les Looms à récupérer et les petits êtres à sauver. Les petits êtres, là, c'est des petits robots, des petits bots. Les Looms, bah, c'est des pièces. Quand tu as tes pièces, ben tu vas débloquer d'autres petits. Des petites sculptures. Disons que tu avances dans le jeu, puis il y a des moments où tu peux souffler. Et à d'autres moments, au niveau du gameplay aussi, c'est super varié. Tu vas démarrer sur ton bon vieux jeu de plateforme en VR, donc bon vieux jeu, non. Déjà, ça, ça claque. Et derrière, tu vas faire un espèce de petit roller coaster sur rail. Tu vas avec ta DualShock qui va se transformer en pistolet, tu vas pouvoir tirer sur, tu vas faire un mini shooter. Enfin, il y a plein de gameplay différents qui sont super variés. C'est un excellent jeu. C'est un jeu somme, en fait, de tout ce qui est bien dans les jeux de plateforme. Si on se dit, je vais faire un semi-marathon, je vais le finir peut-être en 12 heures, si vraiment je veux récupérer toutes les pièces, faire tous les défis, récupérer, sauver tous les petits bots, c'est 20 heures minimum, voire plus. Si ouais, vraiment on est minutieux et qu'on veut tout récupérer. Ouais. Et vous, les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé, du coup, de ce petit Astrobot? Bah alors moi je l'ai vraiment adoré, il est vraiment génial, là je suis au boss de fin, je l'ai pas encore passé parce que je suis pas très bon au jeu de plateforme, mais ouais, comme disait Laurent, il réserve vraiment des surprises jusqu'à la fin, les niveaux ils sont super variés, là il est génial. Il est génial, il y a rien à dire, vraiment super bien réalisé. Je suis en train de le faire. Ouais. C'est un jeu fini, c'est peut-être le jeu le plus fini du PSVR. C'est un full PSVR. C'est bourré de bonnes idées, c'est propre, c'est une symphonie du début. Tout est parfait hein, dans Astrobot pour un jeu PSVR deuxième année. Oui. C'est pour ça qu'il a eu 9,5 sur 10. Il a perdu un demi-point parce qu'on ne peut pas faire demi-tour. On peut pas faire demi-tour, et les musiques, je suis désolé, elles sont dégueulasses. Alors, elles vont très bien, les musiques. Là, c'est les musiciens qui parlent, mais... Elles sont dégueulasses. Alors, ce que j'ai dit dans mon test sur les musiques, là où tu n'as pas complètement tort, c'est qu'il y a des musiques, il y a des BO de jeu, et il y a la BO de jeu. Là, Astrobot, on va pas acheter le disque, on va pas écouter les Astrobots dans sa voiture comme un malade, comme on aurait pu faire avec Little Big Planet, où il y avait quand même plusieurs groupes qui avaient été. Ça passe parfaitement. Mais pour le jeu, c'est bien. Little Big Planet, c'est vrai que la BO du premier Little Big Planet, c'était une tuerie. Quand j'avais joué au jeu, je veux le CD. Je suis allé sur iTunes, j'ai pris le jeu. Et derrière, je le mettais en boucle dans la bagnole parce qu'il y avait tous les styles et c'était excellent. Et ça, c'est vrai que Astro Bot, sa bande originale, elle passe, elle fonctionne. C'est du Mario, on va pas écouter la musique dans sa bagnole. Mais non, ça... Mario, c'est quand même plus inspiré. Non, je suis désolé, hein, je suis fixette dessus, mais. Alors vas-y, ouais. Dis-nous. Bah, en fait, normalement, en fait, t'as, on va dire, un thème principal dans une BO de jeu vidéo. Et ensuite, une espèce de relecture, en fait, niveau par niveau, selon les ambiances et selon, ouais, selon l'ambiance, en fait, du niveau, est-ce que t'as envie de faire ressentir aux joueurs. Ce que je reproche, en fait, à Astro Bot, c'est que tu n'as pas cette recherche de la part du compositeur, justement, à te faire ressentir une ambiance. C'est souvent, c'est très souvent que moi je me suis senti un petit peu détaché justement de l'univers et de l'ambiance du niveau parce que la musique collait absolument pas ou parce que la musique revenait beaucoup trop souvent. Oh, c'est parce que t'es un fan de Muse. Oh. J'étais, c'est vrai. je me suis soigné depuis. Et non, enfin, vraiment, c'est ça que je. Maintenant, j'écoute Archive. Ok, putain, c'est bon ça aussi. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment pour chipoter, bien évidemment. Hein, mais tout le monde l'encense tellement ce jeu-là que moi ça m'énerve, donc du coup je suis obligé de lui trouver des défauts et d'être un petit peu de mauvaise foi. Mais c'est le seul truc que je leur reproche. Donc là, la caméra et la musique, où franchement ils auraient pu faire un effort, quoi. Par exemple, tu vois, tu parles souvent de Rayman Origins ou Rayman Legend, mais le travail qu'il y a sur les musiques de Rayman, c'est pas la même chose. Hein, et tu vois, ça t'emporte dans une ambiance. Chaque niveau a une ambiance différente. Moi, je sais que Rayman... chaque thème de Rayman, quand tu es dans un monde lugubre, c'est très lugubre, mais tu retrouves toujours le thème principal dans le, dans le truc lugubre. C'est de là où il y a les lasers dans Rayman Legend, tu es dans la James Bond, et là, ils ont récupéré un thème qui fait vraiment penser à James Bond tout en étant Rayman. Mmh. C'est vrai que c'est... Et puis la bande originale de Rayman Legend, elle est monstrueuse. C'est un truc qui doit durer, je sais pas combien il y a de titres dessus, il doit y avoir 60 titres sur l'album. C'est une tuerie. Et tu vois, pour parler d'ambiance, moi, Rayman, je me souviens, avec ma copine, on y jouait en coop. À un moment, t'as un niveau sous-marin, et en fait, tu commences sur la plage, un petit peu comme dans Astro Bot, justement, et après, plus ça va, plus tu t'enfonces, en fait, dans les abysses, et le son change, la musique change, le traitement, en fait, du son change, et on discutait comme ça au début du niveau, normalement, et on s'est surpris, en fait, à chuchoter à la fin. Mm-hmm. Justement, parce que t'es tellement emporté par le truc, tu chuchotes, t'es comme ça. Parce que t'as pas envie de faire de bruit, le son est étouffé, la musique est. Tu sens la pression de l'eau, quoi. Mais rien qu'avec le son, hein, rien qu'avec la musique, c'est une sensation que j'ai jamais ressentie dans un Astro Bot, quoi. Enfin, t'as qu'à jouer à Subnautica. Ah, tu vas me faire avec Subnautica. Ah, je vais l'acheter. Oh, mais c'est le Joker. Subnautica, tiens, la carte Subnautica. Mais finalement, y a un autre truc, moi, c'est le fait, quand tu as fini le jeu, de ne pas pouvoir cliquer sur les boss pour rejouer les boss. Il faut aller les chercher dans les caméléons, dans les défis. Et un petit lien, c'est pas grand-chose, mais s'il y a une mise à jour et si des développeurs de Japan Studio nous écoutent, si Nicolas Doucet nous écoute, un petit lien juste pour cliquer sur le singe et pouvoir rejouer le singe sans avoir... Bon, on peut y rejouer dans les défis, mais bon... Ouais. Pas tout le monde l'a peut-être remarqué, déjà, qu'on pouvait rejouer les boss en passant par les défis. Si, moi, au début, je l'avais pas vu. Disons que c'est plus instinctif, quoi. Tu cliques sur le boss et puis tu rejoues ton boss. C'est vrai. C'est avec les autres niveaux, il n'y a pas de raison. C'est une broutille. Là, on chipote, hein, parce qu'on lui cherche, vraiment le demi-point manquant, mais voilà. C'est ça. Bon, on a fait le tour d'Astro Bot, du coup, je pense. On a déjà bien discuté. Oui. Allez-y, foncez. C'est celui-là, s'il ne plaît pas. Vous prenez pas de risque. Hein. Si Astro Bot ne vous plaît pas, vendez votre casque. Voilà. Oui, voilà, clairement. Clairement. Ok. Même parmi les gens qu'on connaît, même les plus réfractaires, oui, les plus critiques sur le PSVR et sur les productions qu'il y a dessus, Astro Bot. On a certains visiteurs qui sont très très critiques et même là, ils ont dit chapeau. Donc, très indulgent, effectivement. Mon petit Cillon, qu'est-ce que tu voulais nous présenter? Ah oui, moi je joue en ce moment à Racket Fury Tennis Table VR. Je l'avais déjà présenté l'année dernière sur VR for Player, et donc c'est un jeu de ping-pong avec des robots. Et tu te dis, ouais, ça va être comme ping-pong VR, c'est avec les moves, ça va être un jeu hyper arcade. Et en fait, la physique de la balle, c'est carrément mais impressionnant. Ça faisait quelques années que j'avais pas joué au ping-pong, tu vois bien la way. Et tu t'y crois. Je crois que j'ai dû voulu me mettre la main sur la table tellement j'étais dedans quoi. C'est vraiment ouais. C'est très physique aussi d'ailleurs. Et c'est très speed. Et il est génial. Il est au mauvais prix en ce moment encore. Enfin, il était au mauvais prix, donc 32,99€. Il est repassé au bon prix, 20,99€ sur le store européen. Hein. C'est seulement chez nous que c'était faux. Et je le conseille vraiment. Il y a un mode multi qui va arriver. On ne sait pas encore quand, comme sur PC. Et il est très très sympa. Bien sûr, il faut aimer le jeu. Hein. Bonne surprise, quoi. Ah ouais, vraiment. Le prix. Le prix n'est pas à jour sur le store en ligne, hein, sur le site internet. Le prix est toujours à 32,99€. Mais le prix est changé sur le store PS4. Ah, c'est bizarre hein, qu'ils arrivent à se planter sur des trucs comme ça aussi. Bah, je pensais que c'était la même base de données, mais pas du tout. Hein. Il y a deux bases différentes. Bah, désolé pour les gens qui se sont fait un peu rouler, hein, du coup. Parce que... ah, ils seront remboursés, à mon avis, mais bon, c'est vrai. C'est les développeurs qui doivent être gênés parce que ça freine, ah, ça freine les ventes. Le développeur, ouais. Parce que je crois qu'il est seul, il me semble, à faire son jeu et bah, c'est dégueulasse pour lui. Quoi, C'est vraiment dégueulasse parce que ça les premières semaines. C'est un peu foiré, quoi. C'est plus important, les premières semaines, là. Dommage. Bon. C'est un bon jeu. Ouais. En tout cas, c'est un bon jeu. Ouais, on le conseille. D'accord. Et donc toi Spank, c'est ce que t'as un jeu à nous présenter en VR. Subnautica, non c'est non, arrête. Alors j'ai joué à Subnautica. Non, ouais, j'ai d'accord. Bien à l'eau, hein. Si vous voulez, je peux vous présenter Zero Kid. Ça vous intéresse? Ah Zero ouais, Kid. Le FPS ouais. Multi là. Alors j'ai pas rejoué depuis la bêta. Mais attends, c'est sur PC hein. Ouais. Ouais, on précise. J'ai pas encore rejoué depuis la bêta, mais honnêtement, maintenant que la ND a levé. Je peux en parler un petit peu. Vas-y, je peux y aller violemment ou pas. Ouais, c'est de la merde par rapport à Firewall en fait. Bon, bah voilà, faut le dire. Non, puis enfin, alors déjà, le jeu il est pas compatible officiellement avec le WMR, donc je sais pas si je dois me fier à ce que j'ai testé, mais c'est pas. Enfin, vu les retours qu'il y a aussi sur Steam à côté, il y a un problème, il n'est pas fini. On parlait des jeux pas finis, honnêtement, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts, je pense que la bêta, elle était prête de ce que le jeu allait donner quand il allait sortir, et c'était pas fini. Enfin, t'es pas comme dans Firewall, t'as pas la même ambiance, t'as pas la même pression. Il y a plus d'interactions parce que t'es sur PC, donc tu peux... J'ai même pas réussi à découpiller ma grenade, hein, pour vous dire. Je ferai peut-être un petit test du jeu ou une petite preview, mais. C'est un early access ou pas? Non, il est même pas en early access. C'est vraiment, il est sorti en version. Ouais, c'est un early access, mais camouflé, quoi. En gros, ils ont sorti. Voilà, j'ai envie de le comparer à Seeking Dawn, que. Je l'ai testé pendant la bêta, j'ai mis une bonne note. Honnêtement, maintenant, je lui ferais perdre un point direct, hein. Parce que il n'est pas plus corrigé qu'avant, il est plein de défauts. Après avoir testé beaucoup plus de jeux de survie, il n'est pas fini. Si Pinto n'était pas si bien que ça en fin de compte, il mérite pas plus farm, 7 sur 10. C'est du farm qui est mal dosé. C'est du farm. Ouais. C'est un jeu qui est en coop. C'est surtout en coop en fait qui foire. Tu te rends compte qu'il y a un problème en coop en fait. Effectivement. Là, clairement, l'équilibre laisse tomber. Enfin, bref, on n'est pas sur Seeking Dawn, mais. Ouais. Voilà pour mon petit aperçu sur Zero Kid. D'accord. Je vous en prie. Ça marche. Ben on a hâte de lire ce pilonnage en règle sur ce jeu. Moi, je vais vous parler de Pixel Rift 1989, qui vient de sortir. Qui est sorti quand? Il est sorti le 16 octobre, c'est ça? Il est pas sur le site, mais le site il est plus à jour, je crois. Il n'y a plus personne qui s'en occupe. D'accord. Qui est un bon trip nostalgique à l'ancienne, un jeu de plateforme à l'ancienne. Vous jouez sur votre Game Boy, c'est un jeu de plateforme qui est plutôt cool et tout, avec donc les éléments extérieurs qui viennent un petit peu vous perturber et que vous allez devoir éviter justement par exemple la prof dans le premier niveau pour vous donner cet exemple-là, qui essaye de vous choper dans la salle de classe, vous faire perdre. C'est un jeu en fait avec lequel j'ai été peut-être un petit peu indulgent dans le test, et pour la simple et bonne raison qu'il y a un fond et il y a une proposition au départ moi qui me parle, justement parce que ça joue vraiment principalement sur la nostalgie, et sur moi ça a carrément fonctionné. C'est blindé de références de partout, on sent que c'est vraiment un jeu qui n'a pas été fait, qui a été bien pensé, qui n'a pas été fait à la va-vite. Et en gros, j'ai passé vraiment un très très bon moment dessus, même s'il est un petit peu court, il se termine en quoi 2h30, 3h, quelque chose comme ça. Mais il est tellement généreux en fait dans son gameplay et dans ses références que voilà, moi j'ai franchement kiffé, et du coup, bah, je le conseille aux vieux comme moi. Je pense qu'ils vont aimer quoi. C'est vrai que les gens, alors moi, j'ai beaucoup envie de te tester. Enfin, personnellement, juste pour le côté nostalgique des années 80. Ah bah ça marche. Ça va. Vraiment, ton test, il m'a donné envie, en tout cas. Voilà. Ce qui me fascine avec le jeu, c'est le marketing de la créatrice qui fait tous les salons déguisés en, bah, comme sur la coupe de la boîte, oui, exact, oui. Avec son bras, les gros inces, le casque. Elle a une bêche d'enfer et, chapeau à elle, hein, parce que elle est pas toute seule. Ça, j'ai pas hein. vu, mais par contre, le trailer, en tout cas, du jeu, il est très cool. Enfin, il fait vraiment à l'ancien. Ouais, je l'ai adoré, hein, il est vraiment cool. Hein. Ouais, il est super. Ouais, ça prouve vraiment que, enfin, ils sont à fond dans. Enfin voilà, c'est vraiment un hommage aux années 80 en fait. Un joli clin d'œil. Je l'ai pas encore fait, mais j'ai hâte de le faire. Ouais. Après, c'est pas un jeu qui plaira à tout le monde, hein, ça c'est sûr et certain. Non, moi j'ai un blocage sur ce. Je suis plutôt du. Au début 80, j'ai eu Pong à la maison parce que mon père était bien branché là-dessus aussi. J'ai eu les Amstrad, j'ai passé les jeux de pixels, j'ai passé les Game Boy, j'ai passé les Super Nintendo. Et je suis plus à jamais revenir en arrière, moi. J'attends d'avoir des trucs de folie, mais c'est vrai que j'aurais pas tendance à, même si la PS5 est compatible PS1. Vous me reverrez jamais jouer à un Tomb Raider sur PS1, sur PS5, quoi. Mais là, la pixel rip, c'est l'immersion, en fait. Ça apporte. Enfin, je l'ai pas fait, mais. C'est le jeu dans le jeu, en fait. Madame, ouais, t'as raison, en fait. Voilà, c'est le jeu dans le jeu, en fait. Exactement. Je vais le faire. Plus la nostalgie, en fait. Enfin, c'est ça qui fait vraiment. Qui doit vraiment être bien. Pour le peu de durée de vie, voilà. C'est le jeu qui est encore. C'est un jeu qui est encore acceptable. Parce qu'il a l'air bien réalisé quand même. Ouais, franchement. Bon, allez, vous m'avez convaincu. Voilà. Ah, bah, c'est pas compliqué, hein. Ah, bah, je préfère. si c'est pourri, par contre, vous allez m'entendre. Hein, prochaine émission. Alors, je te propose un autre jeu, Laurent, tu vas adorer. C'est Sega Mega Drive Compile. Ah, c'est ouais, hyper c'est moderne. Qu'ils avaient mis en vert, c'est là, celui-là. En fait, je dis ça, mais finalement, tu prends Bloody Zombie, c'est du classique 2D remis en VR ou The Lost Bear. Non, The Lost Bear. c'est pareil, quoi. C'est des petits jeux finalement 2D qui sont remis et que j'ai adoré. Donc c'est vrai que The Lost Bear c'est plus une pièce de théâtre en plus. Ouais, voilà pro, c'est un bon vieux jeu 2D en papier dans un décor de théâtre avec un décor qui quand même bouge autour de toi, ouais. Mais une ambiance surtout qui est très très jolie même Bloody Zombie quoi, c'est comme tu vois un Rayman Legend même sans passer par la VR, il nous l'adapterait comme ça, je serais comme un dingue. Mais je pense que la 2D a de l'avenir en VR aussi. Hein. Ouais, ouais. Ça peut faire grincer des dents, mais. Bloody Zombie, là. Deux ? Il y a qui l'a, celui-là, Dieu ? Moi, je l'ai. Ouais, moi aussi. On peut jouer à 4 en plus. On peut jouer à 4. Yann, il est en ce moment, il est à 5€. Ça y est. Donc tu me feras le plaisir de le prendre. Qu'est-ce que tu essayes de faire, là ? Qu'est-ce que tu me veux ? Ah, une petite vidéo en coop pour Halloween. Oh, Marc, ça te fait Bloody Zombie. Il est sympa, je joue. Il est vraiment sympa. Il est très sympa. Si on aime les jeux à la Double Dragon, là tu tapes juste du zombie. Et c'est pareil, t'as plein de techniques à débloquer, t'as plein de petits combos. Non, il est vraiment. J'y ai pas joué beaucoup encore. Mais il est à jouer en coop. c'est un jeu. Non, mais en coop, ça peut être sympa. Ouais. Ah, tu peux t'éclater, ça, je suis pas déçu. Quoi. Ça, mais efficace. En ce moment, il est à 5 euros. D'ailleurs, je le conseille aux gens. Comme quoi, la VR, quand même, quand c'est sorti, combien de gens disaient de toute façon, si c'est pas la première personne, je veux pas de jeu VR. On s'est vite rendu compte que la troisième personne avec Astrobot, c'était une tuerie. Même des jeux en 2D, on disait, ils vont pas nous faire ça. Alors, c'est pour ça qu'il y en a déjà qui commencent à cracher sur Tetris sans l'avoir vu. Tetris Effect, je parle. La VR, il y a tellement de choses qui sont possibles. Alors, on aime ou on n'aime pas. Mais franchement, moi, autant la 2D m'a surpris, autant la troisième personne m'a surpris aussi. Et puis, je me rends compte que finalement, je prends autant, voire plus de plaisir sur des jeux à la troisième personne que des jeux à la première. T'as vu sur Astrobot, hein, de toute façon. Ouais. C'est, voilà. Astrobot, je pense que personne peut après dire, après l'avoir testé, que tu peux jouer qu'en FPS en VR, c'est pas possible. Astrobot, c'est un FPS. Hein. Enfin, c'est un first person. Hein. Oui. Mais non, mais dans la pas oui, et pas ah, oui. Oui, tu veux jouer sur les mots, d'accord. On mais est dans le petit robot, je suis désolé. Aussi, moi aussi. D'ailleurs, ah ouais, plus comme ça, ouais. D'ailleurs, au début, pourquoi est-ce que le gros robot... Tu n'es pas la souris, ouais. Non, je voulais dire des conneries. Je voulais dire, pourquoi est-ce que le gros robot ne fout pas une raclée au méchant alien sans spoiler dans l'intro? Oui, c'est pourquoi le reader dans Moss attrape pas avec ses deux gros bras le serpent et lui casse la colonne et puis on n'en parle plus? Parce c'est que le jeu tape. Durerait 10 minutes. Voilà, faut savoir se trouver aussi dans de la cohérence ou du gameplay. Quoi. Donc, tu es là pour l'aider, mais quand il y a le serpent, tu regardes. C'est ça. C'est vrai. Faut pas trop se mouiller. Bon bah voilà, on a déjà bien fait le tour, donc ensuite eh ben on va enchaîner. De toute façon on va bientôt arriver à la fin, on est à combien d'heures d'émission là? 2h10. 5h30 dans un truc comme ça, ouais. 2h10, ouais, 2h10 pour ce deuxième verre. Et 10 heures de montage pour toi. 10 ans de montage, je vais bien m'éclater, je pense. Donc du coup, bah, pour ceux qui ne sont pas encore endormis, on va faire la dernière petite rubrique que Spanx aime tant. Et d'ailleurs, on va commencer par lui, comme ça lui fera les pieds. Ça tombe bien, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et en plat, tu joues à quoi? Eh ben, sachez que tout à l'heure, en rentrant du boulot, j'ai une idée magnifique. C'est aller me chercher Black Ops 4. Oh. Oh là là. Donc du coup j'ai attaqué Black Ops 4 ce soir, donc j'ai pas assez joué pour vous en parler beaucoup, mais j'ai goûté aux joies du Battle Royale. Donc ouais. Je tiens à dire que mes premières parties c'était un échec, ouais. Mais que j'ai fini dans le top 11 dans la dernière partie, donc ça s'annonce pas trop mal. Voilà. D'accord. La suite au prochain épisode. Ça marche, tu nous en diras plus du coup la prochaine fois. Voilà. J'ai envie de t'insulter, mais bon, c'est pas grave. mais Black Ops 4, c'est un bon jeu, non? C'est la base, bah oui, mais en plus, il a l'air de tuer, hein. Mais bon. Il a l'air de tuer, pas mal. Mmh. Voilà, donc je tiens à dire, alors, que j'ai acheté le CD en boîte, en pensant rentrer chez moi, et puis lancer le jeu, jouer tout de suite, et que j'ai dû me taper en tout une mise à jour de 50 gigas. Pouah. Ah, ouais, voilà. Clair. Donc, est-ce que la galette, c'est encore quelque chose dans l'avenir? T'as la fibre et tout. Moi, j'ai la VDSL, mais on est sur le store de Sony. Hein. Ah, ouais. Ça a bridé dans tous les cas. Ah oui. Donc, c'est pas terrible. Voilà. Donc, c'était pas cool. Mais j'ai pu jouer au Battle Royale avant de tout télécharger. Ils ont ça, c'est bien. Activision, c'est bien. En plus, il est original, ce mode, en plus. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler de Battle Royale. C'est... On a pas les mains. Je crois que c'est un film, hein, mais bon, à part ça, je vois pas. Voilà. Moi non plus. Ok. Laurent, tiens. Aux autres, là. Alors, jeu à plat. Jeu à plat en ce moment avec ma fille de 7 ans. On joue à la bonne paye. Ouais, c'est bien, c'est très plat. C'est... non, sérieusement. Alors, sérieusement. Depuis cet été, j'ai fini Détroit. Y a eu l'été où il fait un peu chaud, donc sur la VR en général, soit tu mets la clim à fond, soit tu crèves, donc derrière on a attaqué le mois de septembre, plutôt toutes les nouveautés là, donc je suis plutôt resté sur de la VR. J'ai très peu joué à des jeux 2D. Y a juste Détroit qui m'intéressait parce que déjà je suis un gros fan de Quantic Dream depuis le début, toutes ces histoires un peu scénarisées, ce film que tu vis et que tu avec des acteurs qui, enfin des acteurs numériques mais réels aussi, qui sont super prenants et des musiques qui vont super bien en plus. Et puis je me pose toujours la question de Quantic Dream, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Est-ce qu'il comment il s'appelle, David Cage, qui avait parlé que justement ils avaient plusieurs casques VR au sein de la société et ils essayaient des tonnes de choses pour voir ce qu'ils pouvaient faire plus tard et comment ils vont faire évoluer parce que la narration d'un film en 2D sur un écran ou d'un jeu en 2D, c'est beaucoup plus simple qu'un jeu en VR, parce que la caméra, eh ben, on va la mettre à l'endroit, c'est là où le réalisateur va intervenir, et il va dire la caméra, on va la mettre à tel endroit pour bien faire comprendre et créer une intrigue. En VR, ta caméra, c'est ta tête. Donc tu vas regarder de partout, et si au moment où tu regardes, bah, tu loupes quelque chose qui se passe, ce qui se passe à côté de toi, eh ben, tu vas louper un élément très important de l'histoire, et tu peux justement louper toute une histoire. Donc il y a tout un code et toute une orthographe à créer en VR, pour raconter une histoire. Et je pense que c'est là-dessus que justement Quantic Dream devait être en train de travailler, en train de faire des tests, de chercher comment raconter une histoire, comment faire un jeu qui soit compatible 2D mais qui soit en même temps compatible VR, tout en arrivant à ne pas louper le coche au niveau du spectateur. Et c'est vraiment un casse-tête, ça. C'est vraiment un truc qui... Ça m'intrigue, ça. C'est comme quand il y a des festivals de cinéma avec beaucoup de cinéastes qui sont très intéressés par la VR en ce moment. Il y a vraiment des tonnes de choses à faire. Et on part sur un Eldorado ou sur... C'est une autre dimension, en fait. Hein. C'est, il faut tout réécrire. Il faut que tu revoies en fait ton plan, enfin ta vision du plan. Ah oui, c'est ça. Qui a absolument rien à voir. Tu en tant que réalisateur, tu ne tiens plus la caméra. C'est le spectateur qui va être la caméra et qui va pouvoir la bouger. Donc il faut recréer une histoire là-dedans. Et c'est un vrai casse-tête. Hein. C'est vraiment un truc. Et tu peux faire si c'est bien fait, tu peux faire un carton. Transférence, justement, c'est entre les deux. Il est un peu le cul entre deux chaises, entre le cinéma et le jeu vidéo. Mmh. Et c'est là-dessus qu'il y a une mécanique, il y a des mécaniques qui vont être découvertes, il y a des bonnes idées qui vont, il y a un orthographe à créer, un langage à créer. Et c'est ce côté-là. Dans Détroit, j'arrêtais pas d'y penser. Je me disais, tu es là, comment ça pourrait fonctionner? Et finalement, quand tu y penses, tu te dis, c'est vraiment compliqué. C'est pas quelque chose. Ça va être extrêmement compliqué à mettre en place. Tu vas utiliser le son à 360 parce qu'il va y avoir un bruit qui va t'interpeller, ce qui est très bien fait dans Rush of Blood, quand les séquences de peur qu'on retrouve dans les films d'horreur souvent, où c'est que tu as la caméra qui va viser le personnage, il va entendre un bruit derrière lui, il va se retourner, et au moment où il revient à sa place, c'est là qu'il a la bestiole en face. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ça fait peur. Et ils l'ont très bien fait dans Rush of Blood parce qu'ils font la même chose. Ils font un bruit, hop, on regarde et quand on revient, paf. Et là, t'as le jumpscare. C'est ce côté-là dans Détroit qui m'intéressait. C'est pour ça que aussi je voulais avoir une interview avec Quantic Dream. Bon, quand le jeu est sorti, ils n'avaient plus le temps de nous parler. Et puis vu qu'ils n'étaient pas sur la VR, je pense qu'ils avaient autre chose à faire que parler de VR alors que leur jeu sortait. Si on leur refera peut-être une demande pour parler plus du cinéma et comment ils voient l'évolution et l'utilisation de la VR là-dedans. Ça me fait penser moi à Farpoint, un tout petit détail. À un moment donné, attention, tu rencontres enfin une personne sur la planète et il y a une scène où tu es en tête à tête et la personne te demande quelque chose et ne arrête pas de te regarder. Elle te fixe. Et c'est très cinématographique. Enfin, ça changeait parce que Farpoint, c'est très basique. C'est un jeu d'action. Et tout d'un coup, il y avait un truc, une connexion qui se faisait via la VR. Quoi. Tu sens une présence. Un regard, c'est important. Hein. Tu lis beaucoup de choses dans un regard, même s'il est artificiel. Et si justement, t'es dans un couloir sombre et puis t'as quelqu'un qui te fixe dans le noir, ça suffit pour te faire des frissons, si c'est bien fait. C'est tellement plus puissant que le cinéma. On a tous vu The Conjuring et on a dit putain ouais, il fait bien flipper, mais par rapport à un jeu VR, c'est un dessin animé quoi. Bah oui. Non mais c'est vrai, maintenant l'impact en fait des jeux d'horreur classiques, c'est plus du tout le même en fait. Il manque l'odeur, puis ils sont pas en danger donc tu as vraiment peur, tu flippes, tu fais non seulement des jumpscares, mais quand le jumpscare est terminé, tu te surprends à trembler dans un couloir en disant qu'est-ce qu'il va encore y avoir, quoi. Après, c'est pas le jumpscare le plus intéressant qui fait le plus flipper d'ailleurs. Ça te fait juste sursauter. Après, dans Rush of Blood, par exemple, c'était super bien fait. Hein. Mais après, t'as des jeux à ambiance. T'en as quelques-uns dans Resident Evil 7, mais c'est quand même plus une ambiance. Irzelai, celui-là, dans le genre ambiance pesante, il se pose là. Alors, aussi. Lui, il est limite malsain, même, par moment. Mais ça fait partie du cinéma d'horreur, le malsain, en fait. Ah oui, complètement. Tu connais bien. Et par contre, lui, c'est celui qui m'a fait le plus grincer des dents, peut-être, d'ailleurs. On refera une émission justement sur vraiment des types de jeux particuliers, et je pense que les jeux d'horreur, notre vision en tout cas, ce qu'on attend en tout cas d'un jeu d'horreur, ça peut être intéressant aussi d'en discuter. C'est un truc surtout que c'est Halloween là, dans 2 semaines. Ah, mais lui, Subnautica et Halloween, mais c'est affolant, hein. Mais ceux qui aiment les jeux d'horreur, ouais, c'est vrai que... J'aime beaucoup les jeux d'horreur. Je suis pas comblé en VR, donc... Et qui sont encore sur PS4, parce que moi, j'ai des copains qui m'ont dit, ah ouais, Resident Evil 7, je l'ai fait sur la PS4, il fait flipper, hein. Puis je regarde, je réponds plus. Ouais, t'as envie de rigoler. Ouais, il fait flipper, ouais. Ah ouais, mais moi Resident Evil 7, je l'ai fini, pour dire, et je l'ai recommencé en 2D. Hein. Ouais. J'ai joué 5 minutes, j'ai remis le casque. Ouais, j'ai éteint le jeu, je l'ai redémarré, j'ai remis le casque, direct. Baker avec le débile là, qui coupe le bras de son fils, putain, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait? Bonne ambiance, c'est bien. Marguerite, tu sais très mal cuisiner, puis c'est le ménage, il est pourri chez toi. Et la vieille qui est... Oh putain, ça m'a fait marrer ça. Il y a 2-3 scènes qui font froid dans le dos. Il y a autre chose, ça c'est plus lié au cinéma aussi, je sais pas si ça vous le fait vous aussi, mais un bon film d'horreur, finalement, quand tu vois la bestiole, quand tu la vois, tu te dis, bon, bah, c'est une bestiole, d'accord. Et en VR, ce qui est très fort, c'est quand tu ne vois rien, qu'ils te mettent dans une ambiance où tu as juste la musique, de la poussière, des éléments, un craquement derrière ta tête, mais tu vas être à fond. Tu vas dire, putain, qu'est-ce que c'est ça? Tu vas te tourner et un petit rat qui passe juste derrière toi. C'est un truc de dingue, quoi. Tu vois déjà comment ça fonctionne sur des jeux comme Amnesia, même sur écran plat, justement, qui fonctionne avec ce principe-là. C'est-à-dire que le monstre, si tu le vois, c'est que t'es foutu. Tu te planques tout le temps, t'entends les bruits, t'entends les râles, t'entends. Et c'est ça qui te fout le trac, en fait. Moi, je me rappelle, c'était de l'ambiance de. En 2D, hein, je parle par exemple Dead Space, le premier. Il y a une ambiance de fou. Ah, le travail sur le son, sur ce jeu-là, c'est le truc tout premier, là, le début du jeu, là, quand t'entends la bestiole passer au-dessus de toi dans le couloir, là, vraiment, t'as des frissons dans le dos. Et ça, si le travail en VR, à ce langage cinématographique on n'est pas très éloigné du cinéma. Dans le jeu vidéo, c'est même encore une quatrième dimension. Il y a une dimension supplémentaire qui est apportée en plus de la 3D, c'est que c'est du temps réel et que c'est que tu. Mais toute cette mécanique là, il y a encore des choses à mon avis à trouver. Parce qu'on reste toujours ancré sur cette mécanique du cinéma, et je suis sûr qu'en VR on peut aller encore plus loin en créant des nouvelles situations. Et je pense que dans les différents festivals de cinéma où justement il y a pas mal de réalisateurs qui se lancent là-dessus, et ils sont tous en train de dire qu'ils cherchent dans tous les sens, ils creusent parce qu'ils savent que. Il y a Alexandre Aja qui était en train de préparer une série pour Oculus. La colline des yeux, puis c'est ça. C'est un réalisateur, c'est un français qui est plutôt bon. Ah oui, qui est très en horreur. Donc on va voir ce qu'il va faire, mais malheureusement, ça sera pas du 3D. Enfin, ils y arriveront pas pour le moment en film. Donc ça sera du 360, c'est ça qui fait chier. C'est dommage. C'est sûr. Ou même Chalaman avec son sixième sens, c'est juste son jeu d'ombre et de musique adapté en VR. Ce serait un truc de folie, quoi. Ce serait un truc qui serait tétanisé, quoi. Un des créateurs de God of War qui veut faire un jeu VR d'horreur. Alors je sais que comment il s'appelle, Santa Monica, ils sont sur deux gros titres en ce moment. Je crois que c'est Julien Chess qu'on a parlé, et il serait, alors c'est des rumeurs pour l'instant, mais il serait en train de réfléchir à une suite à God of War, et par contre une deuxième grosse licence, mais personne ne sait ce que c'est, quoi. Wait and see. Voilà. Non, mais de toute façon, ils ont dit, enfin, je répète, mais il y a un an et demi, ils ont dit qu'ils étaient sur un jeu VR qui allait scotcher les gens, enfin, en gros, qui allait vraiment, faire plaisir aux fans. Donc, je pense qu'ils sont toujours dessus tranquillement, mais ça m'étonnerait même pas qu'ils attendent encore jusqu'à la sortie de la PS5. Ils avaient dit très clairement qu'ils avaient plusieurs projets VR en cours. Dont certains qui étaient juste pour apprendre la VR, mais qui avait un gros projet qui allait faire plaisir à tous les joueurs quand ils allaient l'annoncer. Entre-temps, ils ont certainement été à fond sur la sortie de God of War, et certainement que c'est un projet qui est resté en suspens. Les équipes ont dû rejoindre les équipes de God of War pour le finir. Et maintenant que God of War est terminé, je ne serais pas surpris qu'il y ait une annonce de Santa Monica qui nous balance quelque chose. Qui prennent leur temps. Voilà. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit maintenant. Probablement, ça se trouve, ça sera pour la PS5. Hein, peut-être. Une grosse sortie le jour où ils sortent le nouveau casque, et la nouvelle console. Quoi. Il y avait une démo VR de God of War en FPS par contre, et c'est là où j'étais pas convaincu. Traité comme Theseus, c'est vrai que ça serait pas une mauvaise idée. Ça pourrait très bien fonctionner, quoi. Et bon, on verra les prochaines annonces. En tout cas, pour la PS5, je pense qu'on aura des bonnes surprises. En tout cas, je l'espère. On va terminer sur les jeux en plat, parce que c'était ça, en fait, au départ, la question. On a quand même pas mal digressé, là. Mais c'est bien, c'est intéressant. Cilion, à quoi tu joues, toi? Eh ben, pas beaucoup à des jeux en plat. Alors, moi, je vais parler d'un jeu qui va sortir, un tout petit jeu que j'ai repéré... Ça s'appelle, je crois, attendez, il faut que je recherche sur internet, là, Red Dead Redemption 2. Voilà. C'est quoi ça? Ils en ont fait un 2, c'est quoi le 1? Le 1, c'était la suite d'un jeu sur PS2, je crois, ou PS3, Red Dead, il s'appelait, après, Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Voilà, bon, ouais, ça sort le 26 octobre, donc à partir Red Dead de cette date, vous ne voyez plus. Red Dead Revolver, ouais. Voilà, c'était le jeu pour moi de la génération précédente, donc j'ai bien envie de le refaire, quoi. C'est le jeu quand il va sortir, normalement, plus personne jouera à la VR, quoi. C'est ce que je crains. Last of Us 2, vous me voyez plus, je vous préviens quand il sort. Ouais, mais t'inquiète, je serai dans le même cas que toi en poursuivre. Moi, c'est voilà. The Division 2, peut-être que vous me verrez plus pendant un ou deux mois. Subnautica 2. Alors par contre, il y a toutes les années sur Gear of War, j'adore aller jouer en 2D. Ils font des petits événements pour Halloween, donc je pense que la période d'Halloween, vous ne verrez plus. T'auras ta skin Gear of War. J'aurai ma tête de citrouille dans Gear of War. Voilà. Wow, la période d'Halloween, j'aurai le nez dans la Paris Games Week de toute façon. Donc, heureusement qu'il y en a qui tiennent un peu la barre. Hein, putain. Heureusement qu'on peut compter sur toi. Ah, bon, Halloween, c'est chaud. Je suis pas là pendant quelques jours. Je fais le pré-Halloween, après je fais Halloween. Je regarde tous les films avec Jamie Lee Curtis. Faut faire le son d'Halloween aussi. Pareil, je fais du son d'Halloween. Voilà, je suis à fond. Tu tailles tes citrouilles et tout. Ah oui, sculpture citrouille, concours de sculpture citrouille. La totale. Faut effrayer les gosses et tout. Chacun sa passion. Hein. Ouais, c'est ça. Je me déguise. Après, c'est moi qui vais chercher des bonbons. Des bonbons, un sort. Et toi, Sai, tu joues à quoi? Je vous ai dit que j'avais acheté une Wii U. Et que c'était une super console, et que c'est trop trop bien. Une Wii U ? T'as pas pris la Switch ? Une Wii U, non, parce que la Switch, en fait, m'intéresse pas trop, parce que tous les bons jeux, en tout cas ceux qui m'intéressent de Nintendo, sont déjà sortis sur Wii U pas cher, en moins cher, et pour le moment, j'ai absolument pas besoin d'avoir la Switch, quoi. La Switch m'intéresse pas. Et donc, du coup, là, je suis sur Mario Maker, en ce moment, et qui est pas sur Switch, d'ailleurs. Et qui est vraiment cool, en fait. C'est un jeu de plateforme old school des idées, et que c'est les gens qui font les niveaux, en fait. Il y en a qui ont des idées de fous, qui ont une patience, à mon avis, et une inventivité incroyable. Et donc, du coup, voilà, c'est mon petit jeu snack, en fait, quand je peux pas jouer au VR parce qu'il y a du monde à la maison ou que le petit est dans mes pattes, et ben du coup, moi, je me mets Mario Maker. C'est pas violent, c'est mignon, ça passe tout seul, tu passes un bon moment, et puis je suis content, quoi. Ouais, mais c'est de la merde à côté de l'Astro Bot. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? C'est différent. Vous, et vous savez, quand, je vous ai dit quand même que mon fils en 6e, là, qui a bientôt 12 ans, a laissé tomber Fortnite pour Astro Bot quand même. C'est la première fois qu'il rentre de l'école, c'est terminé, il veut plus Fortnite, il me dit tu me mets Astro Bot. Ouais, c'est mais c'est l'âge où on commence à avoir de l'argent de poche, donc il est pas fou, hein. Oh, papa, c'est bien ton jeu, hein. Ouais, mais tu parles. Eh ben, il voulait pas l'essayer, il a démarré, mais il l'a fini d'ailleurs. Il a tué le requin tout à l'heure. Hein. Mais arrête de spoiler! Oh, il y a un requin. Il y a deux loups, il y a un requin. Ouais. Voilà, les gens ils vont gueuler après. Non, bon bah c'est cool. Bon bah je pense que on a fait une bonne grosse émission là. Je pense que on a pas mal digressé. On est parti un petit peu dans tous les sens, mais c'était super cool. On espère que ça vous a plu. On tient à remercier donc les gens qui nous suivent évidemment, qui nous écoutent, qui viennent lire les tests sur le site, échanger avec nous, qui partagent la note, qui partagent exactement. Pour faire connaître l'émission. Que ce soit sur les forums, etc. On vous remercie énormément, on remercie aussi les tipeurs. Je rajouterai du violon hein, derrière pour que c'est un petit peu. Ah, ils sont 10 maintenant, tipeurs. Merci à tous les tipeurs. Voilà. Merci à tous les tipeurs, ça fait vraiment plaisir et ça permet justement d'avancer, d'apporter de nouvelles idées. Ça nous aide. Hein, de nouveaux concepts. Il faut savoir, c'est que comme beaucoup de youtubeurs ou de sites internet surtout, il y a des frais de serveur, il y a des dépenses. Et là, on est toujours à plus de dépenses que de rentrées d'argent. Donc forcément, ça nous aide toujours un peu. Voilà. Enfin, j'ai envie de chialer. Non, en tout cas, violent. En tout cas, merci beaucoup. On tenait à vous le dire. Comme la dernière fois, si vous avez des questions, si vous avez des idées de thèmes, en tout cas les idées de thèmes, c'est sûr, ça ne manque pas parce que en podcast, on peut parler à peu près de tout. Du moment qu'on aime son sujet, on n'a jamais de problème pour en parler et pour le partager. Mais si vous avez des questions sur l'émission, sur le site, sur de la technique, sur n'importe quoi, n'hésitez pas à nous demander, soit sur le site, soit sur des forums, soit sur Facebook. Vous pouvez nous retrouver donc sur PodCloud maintenant, sur iTunes. Sur YouTube, ça c'est pas sûr, Laurent, je sais pas. YouTube, c'est plus délicat parce qu'une émission de 2h30 comme ça en YouTube, il va falloir une image en arrière-plan et on va se retrouver avec des vidéos qui vont faire 5-6 gigas envoyées. D'accord, cool. Bon, dès que ça sera en ligne, on vous tiendra au courant. Ouais, Spanx, tu voulais dire quelque chose? J'ai dit cool. T'as dit cool? Ouais, c'était cool. C'est tout ce que t'as à dire. Ok, ça marche. Bon, allez, bon bah du coup, on vous souhaite, on vous dit à la prochaine. Hein, on essaiera de se caler pour faire un rendez-vous un petit peu plus régulier. On vous remercie encore, on espère que ça vous a plu, et puis on vous dit à bientôt. Ciao tout le monde. À la prochaine. Ciao. Ciao, bye. Bye. Ciao.